Météo des plages maintenant sur RMC et c'est avec vous Jean-Baptiste Vergès. Bonjour François, bonjour à tous. Alors bonjour. On a connu mieux pour aller à la plage aujourd'hui. Des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, ciel assez nuageux toute la journée, pas de pluie mais du vent à plus de 70 km/h. La Normandie ne sera pas épargnée par ces rafales. Du coup, si vous êtes à Deauville aujourd'hui, vous pourrez toujours vous consoler avec le Festival du film américain qui a ouvert ses portes vendredi à Deauville sur la plage. Température prévue 22 degrés, l'eau sera à 18. Même température pour la plage de Guilvinec dans le Finistère avec une mer assez agitée et d'épais nuages pour vous accompagner. Plus bas, des plages vendéennes à celles du Pays Basque, moins de nuages, vous aurez droit à de belles éclaircies mais pas mal de vent, notamment sur les plages de Royan en Charente-Maritime, température de l'eau prévue de 21 degrés, 22 sur le sable. Et puis en Méditerranée, des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes, le ciel restera voilé, la tramontane vous accompagnera sur les plages de Narbonne, vent à 50 km/h à Narbonne où l'eau est prévue à 22, température extérieure de 31. Et puis du côté de Nice, la mer sera plus calme avec une eau à 26 degrés. C'est la même température que en Corse. Bonne journée et bon dimanche avec RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier. Suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC dans un instant, votre rendez-vous auto. Il est 8h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, un vrai week-end de campagne présidentielle à droite. En tout cas, les Républicains clos leur campus d'été aujourd'hui. Marine Le Pen faisait, elle, sa rentrée hier. L'appel au secours, appel lancé à la France par les partisans de Jean-Ping au Gabon. Jean-Ping, l'opposant d'Ali Bongo, dont la victoire à la présidentielle est sérieusement contestée. Et puis le sport, le rugby, c'est aujourd'hui le retour d'un des meilleurs joueurs français sur la pelouse, Johan Hugé, blessé lors de la dernière Coupe du Monde. Il est 8h sur RMC, bonjour à tous. Plus que 3 petits mois de campagne à droite, 3 mois avant le premier tour de la primaire chez les Républicains et quasiment tous les candidats font le déplacement ou ont fait le déplacement ce week-end à la Baule. Le dernier d'entre eux, ce sera Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Stéphanie Collier, l'apaisement semble être de rigueur, mais hors de question de se croiser physiquement. Oui, participer sans avoir besoin de se parler plus de quelques minutes, c'est le défi que se sont lancés les différents candidats à la primaire ici à la Baule. Mission accomplie, Alain Juppé, François Fillon ou Bruno Le Maire ne se sont pas éternisés. Aucun d'ailleurs n'a souhaité rester jusqu'à la fin du campus aujourd'hui pour écouter le discours de Nicolas Sarkozy à la mi-journée. Chaque candidat est désormais dans son couloir et déroule son programme et sa stratégie. Hier, François Fillon a de nouveau attaqué Nicolas Sarkozy sans le nommer. Il faut battre Marine Le Pen, a-t-il dit, non pas en copiant l'extrême droite, mais en étant simplement la droite française qui sait ce qu'elle est et ce qu'elle veut, a lancé l'ancien Premier ministre. De son côté, Alain Juppé reste dans le costume du sage. Il a demandé un débat, pas un pugilat, entre les candidats. Finalement, le seul sujet qui rassemble encore tous les candidats à la primaire, c'est cette volonté de battre la gauche en 2017. Les précisions de Stéphanie Collier. La politique, c'est aussi la rentrée de Marine Le Pen. Des mois de quasi-silence médiatique et la patronne du Front National était de retour hier à Brachet, tout petit village de Haute-Marne. Rentrée politique où Marine Le Pen voulait faire valoir sa liberté. Cette liberté fait de moi une exception dans la vie politique française, hein, parce qu'on voit bien que l'ensemble des responsables politiques sont soumis, ont des ascenseurs à renvoyer, cherchent à plaire, que ce soit aux puissances d'argent, aux multinationales, à l'Allemagne, à l'Union européenne. Il faut toujours faire plaisir à quelqu'un, à Washington. Moi, je suis libre de tout cela. Moi, je ne défends que le peuple français. Ah, c'est lui mon souverain, en quelque sorte. Marine Le Pen au micro de Jean-Baptiste Durand. Et puis il n'est pas encore candidat, mais c'est tout comme Emmanuel Macron s'exprime longuement dans le JDD ce matin. Il veut susciter l'envie, dit-il, et en profite pour s'en prendre à Nicolas Sarkozy. D'abord, il a une vision rabougrie de la France, et puis à François Hollande, qui n'aurait fait que les choses à moitié, dit-il. Et puis c'est également à lire dans le journal du dimanche ce matin, interview d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui confirme après la fermeture de Paris-Plage aujourd'hui, les voies sur berge, rive droite, ne réouvriront pas à la circulation consacrée dorénavant aux piétons. C'est l'un des principaux fournisseurs en lait maternel du pays, et hier, il a suspendu ses livraisons, suspicion de contamination de ce lait issu de dons est stocké à l'hôpital Necker à Paris. 3 grands prématurés ont été contaminés. 2 d'entre eux sont décédés. Cette suspension, c'est une première et ce n'est pas anodin, selon Jean-Charles Picot, le président des Lactariums de France. Le lait maternel, il arrive que la maman n'en ait pas assez. Ce n'est pas rare que les enfants prématurés reçoivent du lait de lactarium. Le lait maternel, il est absolument essentiel pour la bonne santé des enfants prématurés. Et en gros, il réduit le risque de complications, notamment le risque d'infection, qui est moindre chez l'enfant qui reçoit du lait maternel. Par ailleurs, il y a une pathologie très spécifique de l'enfant prématuré, qui sont les problèmes digestifs. Leur tube digestif n'est pas encore prêt à digérer du lait, quel qu'il soit. Mais quand on leur donne du lait maternel, cette tube digestif y arrive. Jean-Charles Picon interrogé par Romain Cluzel. L'impasse politique et les violences, encore une fois au Gabon. Deux personnes tuées hier samedi à Libreville, la capitale. Ali Bongo, proclamé vainqueur de la présidentielle jeudi, ne veut rien lâcher alors que son opposant Jean Ping réclame un recomptage des voix. Et hier à Paris, ce sont justement ses partisans qui étaient réunis et qui réclament l'aide de la France, Violette Voldoir. Les partisans de Jean Ping en sont convaincus. Ali Bongo accepterait de quitter le pouvoir si la France le lui demandait. Ingrid est donc venue en appeler au gouvernement français. On continue d'attendre la réponse de la France. Le peuple gabonais est un peu patient, mais aujourd'hui on n'en peut plus. Nous voulons avoir de l'alternance et nous avons choisi un candidat. Qu'on nous le mette, point barre. Grégory, lui aussi soutien de Jean Ping, estime que le gouvernement français ne peut plus se contenter aujourd'hui d'un simple appel au recomptage des bulletins de vote. La France doit exiger le départ d'Ali Bongo. Nous avons essayé toutes les possibilités diplomatiques, ça ne marche pas. Et il y a urgence, y compris pour la France. José Ménébert est le porte-parole du mouvement de soutien à Jean Ping. Ce que je crains, c'est que si vous laissez cette brèche au Gabon, si le peuple gabonais se sent réellement acculé, il risque d'y avoir une atteinte aux intérêts français parce que vous nous laissez dans le désarroi. Comme la plupart des manifestants, il appelle donc la France à se positionner pour Jean Ping avant que le bilan des violences ne soit trop lourd au Gabon. Le reportage de Violette Voldoir. Elle a consacré sa vie aux plus démunis, principalement dans les bidonvilles de Calcutta en Inde, prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa sera canonisée aujourd'hui, immense célébration au Vatican où 100 000 personnes sont attendues, place Saint-Pierre. Les plus démunis, les plus fragiles, c'est aussi pour répondre à leur souffrance que l'église ouvre ce week-end une maison de réinsertion en Seine-et-Marne. Les personnes visées, les prostituées, celles notamment du Bois de Boulogne, Claire Checaglini. À l'entrée, les horaires des messes monastiques sont bien visibles, mais les pensionnaires, elles, ont bien changé. Charme, 42 ans, prostituée depuis une quinzaine d'années, vient tout juste de s'installer. Il n'y a pas de délai pour quitter. Il faut que on s'intègre dans la société. Je vais profiter d'arrêter l'alcool aussi. Et peut-être que c'est le bon Dieu qui va nous faire partir d'ici, on ne sait jamais. En attendant, il faudra signer un contrat dans lequel les anciennes prostituées s'engagent à entretenir la maison, mais pas seulement. C'est pour ça que j'ai voulu une vie communautaire. Le père Jean-Philippe Chauveau, fondateur de la maison. Beaucoup n'osent pas rentrer dans les églises, alors qu'elles en meurent d'envie. Mais il y a la culpabilité. Celles qui viendront, on leur demandera de venir passer un moment à la chapelle. Et deuxième obligation, la fabrication de cierges, comme le faisaient les religieuses. Visite guidée avec Camille, bénévole. Alors là, on arrive à la ciergerie, laissée telle qu'elle, avec toutes les machines. On va reprendre en fait l'atelier cierge, parce que c'est important quand même qu'elles aient une sorte de salaire chaque mois. Mais le centre aidera aussi ces anciennes prostituées à trouver des formations pour qu'elles deviennent véritablement autonomes. Alors, reportage de Claire Checaglini, 8h06 sur RMC. C'est l'une des stars du rugby français et il avait sérieusement manqué au bleu, souvenez-vous, lors de la dernière Coupe du Monde. Le Toulousain Johan Huguet, de retour sur les terrains. Aujourd'hui, blessé il y a un an, il a plus que souffert pour revenir, Wilfried Templier. Jeudi matin au stade toulousain. Johan, qu'est-ce que tu fais ? Le préparateur physique Zeba Traoré a concocté une séance en finale secret pour Johan Huguet. On va commencer séquence de proprio. Derrière, juste qualité de pied. Les marches du stade Ernest Vallon à gravir à grands coups de sueur et de grimaces. Un an après sa blessure en Coupe du Monde, Huguet a retrouvé les terrains, mais n'oublie pas la galère de la rééducation. Chaque étape dans la rééducation est une torture. Apprendre à marcher, conduire, au début monter les escaliers, il y a de l'appréhension. S'il a mis 6 mois à simplement revenir dans un stade, il est aujourd'hui comme neuf. J'ai envie de retrouver juste du plaisir avec mes coéquipiers à se faire mal ensemble. Psychologiquement, je suis épanoui de retrouver les terrains. Le but fixé avec son préparateur Zeba Traoré était de revenir encore plus fort. Alors Zeba, c'est fait ? C'est fait. Il n'y a plus qu'à marquer des essais. Peut-être dès ce soir avec Toulouse, face au Racing 92, le champion de France en titre. Et le top 14 donc avec deux leaders surprenants après les matchs d'hier. La Rochelle et Brive, les brivistes qui ont réalisé l'exploit hier. Ils sont allés battre Toulon chez lui. Résultat, le président du RCT, Mourad Boudjelal, n'est pas content du tout même. Je pense tout simplement qu'on est nul. On est nul, voilà. Donc c'est à nous de nous en sortir, mais actuellement on est nul. Alors on peut trouver des tas de raisons. Peut-être qu'il y avait des joueurs qui étaient crispés parce que c'était le premier match à Mayol, qui s'en était fait une montagne, j'en sais rien. Mais on est nul. Je veux dire, voilà, le coup d'envoi il part en touche direct. Alors à une époque on le faisait exprès, là je pense pas qu'on l'ait fait exprès. C'est pathétique, quoi. On a été pathétique. Voilà, Mourad Boudjelal au micro de Yann Pechera. Et puis la Formule 1, rendez-vous RMC. Aujourd'hui, cet après-midi, 14h, le départ du Grand Prix d'Italie avec l'inévitable Lewis Hamilton en pole position. Aujourd'hui, dans la voiture, je me suis senti très fort. J'ai adoré piloter. Ce dernier tour, je m'en souviendrai toute ma vie. Surtout ici, en Italie, sur cette piste, avec ses fans, ce soleil. Vous savez, un jour, je ne serai plus pilote. Et il me restera mes souvenirs. Et je me dirai, ça, c'était un tour de fou. Il y a des jours comme ça où vous pouvez vous asseoir et sourire. En plus, il y a mes patrons ici. Et je veux toujours leur montrer qu'ils ont bien fait de croire en moi, de tant miser sur moi. Et mes patrons, sans aucun doute, ils vont être très contents. Voilà, départ de la course qui sera à suivre en intégralité 14h sur RMC 8h08. François Sorel, les courses pour terminer les pronostics de la Dream Team. Et les courses se déroulent à... À Cran. À Cran, exactement. Sébastien Darras, lui, n'est pas à Cran. Hein. Tout va bien. Il fait confiance au 15 Uniflosabella et au 11 Akido. Brahim Asloum pense que le 5 Vanderlove a ses chances pour cet après-midi. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 17 Tagada Tagada. Et le 9 Univers de Dédou. Le 15, le 11, le 5, le 17 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Et après les animaux, place à l'automobile maintenant. C'est comme ça tous les dimanches sur RMC. Le week-end des experts, l'auto, 8h-10h avec Jean-Luc Moreau qui est ici, que voilà, tralala. Bonjour monsieur Moreau. Bonjour monsieur François, bonjour à toutes les auditrices. Il faut toujours que vous fassiez, toujours garant, vous fassiez double fil. Remarquer. C'est incroyable ça, vous avez mis les warnings quand même. Oui, je suis garé monsieur. Derrière vous alors donc. C'est pas beau. Jean-Luc Moreau donc, jusqu'à 10h sur RMC, notre spécialiste auto qui est là pour répondre à toutes vos questions auto, profitez-en. Là encore, rendez-vous unique, exclusif RMC, 2 heures entières dédiées à l'automobile. Seul RMC vous propose ce rendez-vous chaque dimanche matin. En plus avec des infos que vous n'aurez nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes un spécialiste des scoops, hein, quand mais même. Exactement. Non, mais il y en a quelques-uns. Pas des sous-coupes, mais des scoops. des sous-coupes aussi. Aussi des mais elles sont pas volantes, par contre, celles-là. Non, roulantes. Donc des scoops, oui. Puisque tout à l'heure, on va parler du contrôle technique pollution. Ça va changer. Ouais, qui vient de démarrer expérimentalement semaine, le 1er septembre. Donc vous voyez, c'est tout récent. Mais nous, on va se projeter dans 2 ans déjà. On va tout vous expliquer. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce que c'est quelque chose de punitif, comme j'ai pu l'entendre dans de nombreux médias? La réponse, je vous la donne déjà, non. C'est préventif. C'est préventif. D'accord. C'est la prise de sang. Vous savez, on en parle souvent. Oui, c'est la prise de sang qu'on va faire pour donner l'état de santé de votre véhicule. On vous explique tout. Tout à l'heure, vous allez voir que c'est très intéressant. Voilà. Et puis, en deuxième partie de ce rendez-vous auto, on ira à Chantilly. Ah oui, Chantilly. Parler d'élégance automobile. Exactement. Le concours d'élégance, art et élégance, Richard Mille à Chantilly. C'est un événement. Alors, vous savez que partout dans le monde, il y a des concours d'élégance automobile qui ont été remis à la mode. Bon, le plus grand est aux États-Unis, c'est Pebble Beach. Mais Chantilly, qui fête cette année sa 3e édition, est en passe de devenir... Il est déjà le plus grand concours européen et est en passe de devenir un des numéros 1 mondiaux. On y verra des voitures. Alors, je vous dis pas ce qu'on verra, on en reparlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure puisqu'on aura l'organisateur avec nous, hein, Patrick Peter. Extraordinaire. Et puis, on s'intéressera à l'actualité de la semaine dans le monde de l'automobile avec automoto.com et Andy David. On reviendra en fait aussi sur les absents de ce mondial de l'auto parce que, évidemment, c'est la grande fête de l'automobile. Il y a des constructeurs qui ne sont pas là et des constructeurs qui ne sont pas des petits constructeurs. Voilà, il y a des constructeurs importants. Hein. On verra et on essaiera de comprendre pourquoi ils ne sont pas là. Voilà. Hein. Le bon plan auto, bien sûr. Quels sont les avantages et les inconvénients de la carte grise collection? C'est la semaine, la Kia Optima. Et c'est là, je vais vous laisser le dire, parce que tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup rire. PHEV. Ah oui, voilà, faut le dire, PHEV. C'est ça, hein. Ouais. J'en étais pas sûr. Mais c'est PHEV, c'est sûr. Et donc, c'est un hybride rechargeable. Exactement. Voiture hybride rechargeable. Grande berline hybride rechargeable. On découvrira ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, dès maintenant, vos questions au 3216 ou auto@rmc.fr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bon dimanche. C'est un bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Daniel est là. Bonjour, Daniel. Oui, allô. Bonjour Daniel. Et bonjour Jean-Luc. Bonjour Daniel. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive, Daniel? Vous avez acheté un véhicule électrique, Daniel? Ouais, bah bravo. Voilà, ça fait un peu plus de 2 mois. Vous avez acheté quoi? Mitsubishi. Une Mitsubishi e-MiV. Voilà. Il faut laisser dire à François, c'est plus rigolo quand c'est lui qui dit. Celui qui y vive. Et alors? Eh ben, je voulais savoir, parce que vous savez, faut rester le pied sur le frein tout le temps pour être mal part. Pour s'arrêter. Ben pour ça, ouais. C'est mieux. C'est-à-dire, quand on s'arrête, faut rester le pied sur le frein. C'est vrai que si vous le relâchez. Quand on la démarre, faut appuyer sur le frein. Oui, parce que mal part toute seule. Oui, non. Oui. Quand on arrête au feu rouge, on appuie sur le frein. Oui. Mais est-ce qu'on peut rester pendant 2 minutes le pied sur le frein Oui, parce que pas ça tire quand même sur le moteur. Non. À partir du moment où vous êtes le pied sur le frein, ce qui se passe, c'est quand vous relâchez le frein, la voiture avance tout doucement. Ça s'appelle du rampage. C'est fait exprès. C'est pour que vous puissiez, par exemple, quand vous stationnez, vous avez juste besoin de toucher la pédale de frein comme ça. Il suffit de relâcher la pédale de frein, hop, et pour faire votre manœuvre, c'est plus simple. C'est prévu par le constructeur comme ça. Mais quand vous êtes au feu rouge et que vous êtes arrêté avec le pied sur le frein, le moteur, il est coupé, vous consommez rien du tout. C'est pas comme si... On n'est pas obligé de remettre sur N. Non, du tout. Vous pouvez rester sur D et vous restez le pied sur le frein, ça abîme rien du tout. C'est prévu pour être comme ça. Vous pouvez, évidemment, si vous restez une demi-heure, vous allez avoir une crampe dans le pied avant que la voiture en ait marre. Hein. Franchement, c'est sur un véhicule électrique, le fonctionnement est complètement différent d'un véhicule thermique. On s'habitue vite, hein. Ah, on s'habitue vite, Et le fait qu'il n'y ait pas de vibration, qu'il n'y ait pas de bruit, c'est vrai, quand on remonte dans une voiture normale, alors vous, il n'y a pas longtemps que vous l'avez, mais vous allez voir, quand vous aurez vraiment pris l'habitude que vous allez remonter dans une voiture classique, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que ça fait comme bruit, ça sent mauvais. Et c'est marrant, hein, parce que nous, on est habitué. Vous savez, quand on, le parallèle, vous allez voir. Si vous habitez à côté d'une Porscherie. Ah. L'odeur, Jean-Luc, au bout d'un moment, vous n'allez plus la sentir. On sent plus. Voilà. Oui. Si vous invitez des amis chez vous, ils vont pas rester très longtemps. Eux, ça va les gêner. Nous, c'est pareil. Nos voitures diesel et même les modèles essence, il y a toujours des odeurs. Ça sent mauvais. Mm-hmm. Et au fil du temps, on s'est habitué. Et même à certains bruits et certaines vibrations, on est habitué, on ne les ressent plus. Et quand on passe sur une voiture électrique, on perd l'habitude d'entendre ces bruits et de sentir ces odeurs et de sentir ces vibrations. Et quand on refait le trajet inverse, là, d'un coup, tout ce qui nous avait paru insignifiant avant, tac, d'un coup, ça, on se dit, oh là là, dis donc, elle sent drôlement mauvais, ta voiture. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Alors que le conducteur vous dit, non, au contraire, elle est vachement silencieuse, c'est le dernier truc super moderne. Et les Chinois, par exemple, qui n'ont pas la culture automobile que nous avons, parce que l'automobile, pour eux, c'est récent, sont très attentifs à ces petits détails-là. D'accord. Par exemple, en Chine, le clignotant à l'intérieur des voitures, ça fait pas clac, clac, clac, clac, parce que clac, clac, pour eux, c'est quelque chose qui casse. C'est culturel. Ouais, si on avait mis un clignotant qui fait clac-clac, le gars, il s'arrête tout de suite sur le côté en disant, ça y est, je suis en panne. Alors, ils ont des petites sonneries, ça fait tut, tut, tut, tut, le clignotant, vous voyez. Ils ont, et les constructeurs travaillent beaucoup sur l'insonorisation à l'intérieur des voitures et sur l'absence de vibrations. Parce qu'ils n'ont pas cette culture automobile que nous avons, qui date maintenant de plus d'un siècle, où on a été habitué à avoir des voitures qui fumaient, qui pétaradaient, qui sentaient mauvais, et on s'est habitué à tout ça. Mm-hmm. Et la voiture électrique, ça nous désintoxique de ça, au propre comme au figuré. Donc quand on revient à une voiture normale, vous allez voir ce que ça va vous faire, ça va vous faire rigolo. Ben je sais. Vous savez, une voiture normale aujourd'hui. Ah bah voilà. C'est vrai que la voiture électrique, d'ailleurs, je crois que c'est 99%, alors les 1% qui restent, je sais pas qui c'est, mais 99% des gens qui choisissent une voiture électrique décident de ne pas revenir à une voiture thermique. Mais là, franchement, vous êtes content, Daniel, vous? Ah ben, j'en suis très très content. Et puis moi, les parcours que je fais, c'est 50 ou 60 kilomètres. Ouais. Bon, ben, ça se fait bien. Même si la IMIV commence à être déjà... C'est un véhicule qui commence à dater un petit peu. C'est un des plus anciens véhicules électriques sur le marché aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont arrivées là, qui sont vraiment très sympas. Et avec des autonomies qui sont le double de ce que vous avez sur votre voiture électrique, vous. Mais c'est vrai que si on fait des petits trajets, bon, une IMIV, ça fait 100 kilomètres. Moi, je la recharge chez moi tous les soirs. Oui, voilà. Donc, et j'imagine que vous avez eu un bon prix en plus. Est-ce que vous avez mis un vieux diesel au clou pour l'acheter? Oui, ah non, 10... non, j'avais pas de diesel, ah jamais eu de diesel. Parce que ça vous permet d'avoir jusqu'à 10 000 euros. Jusqu'à 10 000 euros, donc c'est quand même pas mal. 10 000 euros sur une voiture, c'est énorme. Ça va continuer, ça, Jean-Luc, ou pas, ces aides? Alors, on attend que le budget pour l'année prochaine soit voté, hein, la loi de finances. Ouais, a priori, oui, c'est maintenu. A priori, c'est maintenu. Très bien. Voilà, Daniel, merci beaucoup. Ouais, bah merci, au revoir. À bientôt. Bonne journée, au revoir. C'est bien, on a de plus en plus d'auditeurs qui s'intéressent à l'électrique et certains comme Daniel qui ont franchi le pas. Et c'est que le début, hein, la révolution du véhicule électrique. On y reviendra évidemment maintes et maintes fois dans ce rendez-vous auto. Jean-Luc, on revient dans un instant. On va parler de l'Opel Mokka avec Anne-Marie, puisque sa petite fille, la petite fille d'Anne-Marie, a acheté une Opel Mokka. Elle aimerait avoir votre avis. Le 32-16. Et puis on ira prendre un café après. Exactement. Et oui, parce que Mokka café, c'est ça, blague. Non, est-ce qu'il faut vraiment la soulever, cette blague-là? Est-ce que vous pensez? Non, on va. Parce que moi, j'en ai marre de boire la tasse avec vous. Vous voyez, en termes de blague, ça suffit. On parlait de soucoupe tout à l'heure. Voyez, voilà, on y est bien. Allez, à tout de suite. C'était RMC. C'est le week-end des experts. Le week-end des experts sur RMC. Votre auto. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akhena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhena? Chez vous, bien sûr. Akhena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhena. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akhena, la reine des vérandas. Bénir. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Gagne la course. Gagne notre liberté. Bénir. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Bénir, un choc visuel. Le 7 septembre au cinéma, avec RMC. Premier à finir, dernier à mourir. Le week-end des experts sur RMC. Ok, écoutez bien, les mecs qu'on cherche sont des pros du volant. Votre auto. On les localise, on les chope ensemble et on les ramène. Et à aucun moment, même pas en rêve, ils s'approchent d'une caisse. François Sorel, Jean-Luc Moreau. 8h20, le week-end des experts. Et c'est l'automobile jusqu'à 10h. Avec Jean-Luc Moreau, notre spécialiste automobile. Le 3216 ou auto@rmc.fr pour le joindre. Tout à l'heure, je vous offrirai, si vous êtes gentil, mais je suis sûr que vous êtes gentil, il n'y a pas de raison pour que je ne vous les offre pas, des places pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe. Jean-Luc Moreau. Qui sera à quel endroit? À Saint-Cloud. Ah oui. Oui. Comme chaque année. Et là, donc, ce sera donc ce feu d'artifice. Le 14 juillet 2019. Non. Le 10 septembre, donc c'est au parc de Saint-Cloud. C'est un endroit magnifique, bien sûr. Et c'est un festival pyrotechnique incroyable. On vous offre des places tout à l'heure. Mais d'ici là, c'est Anne-Marie que nous accueillons. Bonjour Anne-Marie. Bonjour les garçons. Bonjour Anne-Marie. Ah, écoutez Jean-Luc, je me permets de vous faire à tous les deux, hein. Mais un de plus. Ah, Jean-Luc, que j'adore. Je vous dis, j'ai presque 80 ans. Je vous écoute depuis des années. Ah, oh, c'est donc vous. Merci, Anne-Marie. Et je dis à mes petits-enfants, Jean-Luc Moreau dit ça. Jean-Luc Moreau dit, mamie, ça suffit. Mais c'est vrai, je vous dis, c'est vrai. Et ils se marrent tous. Et mon Jean m'appelle, oui, bonjour, madame Jean-Luc Moreau. Non, mais attendez, Anne-Marie, vous voulez peut-être une photo dédicacée de Jean-Luc, alors? Alors là, ça me ferait... Ça vous ferait plaisir? Est-ce que ça vous ferait plaisir, Anne-Marie? Oui. Alors, vous savez quoi? On va vous trouver ça. On va vous trouver une photo dédicacée de Jean-Luc Moreau. Oh, c'est trop gentil. Voilà. Je vous aime beaucoup tous les deux. Dites-moi... Moi, en revanche, Jean-Luc... Excusez-moi, Anne-Marie. Votre café, là. Juste, Anne-Marie, vous avez vu, oui. Jean-Luc, moi, en revanche, elle s'en fout complètement de moi, Anne-Marie. On ne voulait pas une photo de François dédicacée? Non, c'est pas la peine. Je suis vexé, Anne-Marie. En maillot. Je suis vexé. En maillot sur la plage encore. Ah oui, ça peut être pas mal. Mais non, on plaisante bien évidemment. Je sais bien. Et on vous écoute alors, quelle est votre question? Alors, je vais pas vous faire perdre du temps, je sais que vous êtes très demandé. Ceci étant, ma petite fille a fait l'achat d'une Opel Mokka. Alors j'ai dit, Aurore, je vais appeler mamie, non, je l'appelle, on verra. Bref, c'était pour la semaine passée, donc c'est trop tard. Mais je voulais quand même, pour ma curiosité personnelle... Savoir si elle avait fait un bon achat? Voilà. Ouais. Alors, il y a cette blague... que j'ai déjà, franchement, qui est éculé maintenant, mais on pourrait dire que c'est une voiture saine, parce que le mocassin, voilà, bon, donc ça, c'est fait. Oh non, Anne-Marie, ne rigolez pas trop fort, parce qu'après, ça l'incite à en faire d'autres. Oui, vous me attendez, moi, ça me fait marrer. Je ne vous loupe pas, je vous dis. Je ne manque rien de vos émissions. Et je me marre. Je me dis, mais attends, où ils vont se... Alors, est-ce qu'elle a pris un diesel ou elle a pris un modèle essence? Alors, ma petite fille est sage-femme, on ne va rien vous cacher. Donc, elle fait Fréjus-Toulon deux fois par jour. Ah oui, donc elle roule quand même. Oui, Fréjus-Toulon, ça fait quelques kilomètres. Elle roule pas mal. Donc, elle a pris un. Elle a 35 000 par an. Donc, elle a pris un diesel, oui. Le Mokka, c'est le premier SUV dans sa catégorie vendu en Europe. Alors, il est bizarrement un petit peu moins connu en France. Pourquoi ? Parce qu'il a deux concurrents français qui sont plutôt pas mal. C'est le Peugeot 2008 et le Renault Captur, qui sont un peu plus petits que le Mokka. Donc, le Mokka, il est, je dirais, le Mokassin, c'est une pointure au-dessus du 2008 et voyez. Vous arrêtez pas, en fait. Du 2008, c'est du Captur. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Donc, c'est une voiture un peu plus grande. Je vais faire venir Laetitia pour faire vous anesthésier. Vous anesthésier un peu. Pour faire piquer. Ouais. Pour avoir une voiture un peu plus familiale. Franchement, alors avant... le Mokka, il avait un vrai gros défaut. Il avait un moteur diesel qui était franchement un moteur d'une autre génération, qui était bruyant, désagréable, pas fiable. Et il a hérité d'un nouveau diesel il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est maintenant un diesel moderne, qui a résolu tous les problèmes de fiabilité qu'il y avait, qui est à la fois économique, très agréable à conduire et silencieux. Donc, il a du punch. Confort tenue de route, c'est bien. Il est plus familial, comme je vous l'ai dit. Dans les défauts, il n'y a pas grand-chose. Moi, je trouve que la planche de bord, c'est encore un peu fouillis. Et puis, l'image d'Opel en France, c'est vrai, pas extraordinaire, alors qu'elle est bonne dans d'autres pays. Mais c'est un bon achat. Vous pouvez être rassuré, Anne-Marie, vous pourrez dire à votre petite fille qu'elle a fait un bon achat. Et en tout cas, elle a fait le bon achat au bon moment, parce que elle aurait acheté le même il y a deux ans. J'aurais dit, il y avait peut-être mieux à faire. Ouais. Voilà. Mais bon, le Mokka, c'est bien. Bon, parfait. Jean-Luc, il est 8h25, je suis en train de jeter un œil sur les mails et nous avons pas mal d'auditeurs qui nous parlent d'électrique. Et notamment, on va essayer d'appeler Maryse qui nous a envoyé un petit mail tout à l'heure. Elle roule en Zoé depuis juin, elle est dans le sud de la France et elle fait une grande partie de ses trajets sur autoroute. Et visiblement, elle est ravie. Donc a priori, un véhicule électrique, c'est pas du tout dédié à l'autoroute. Donc, on va essayer d'appeler Maryse tout à l'heure pour avoir son petit avis là-dessus. Mais je vous parlais il y a un instant donc de ce feu d'artifice qui se déroule chaque année, le plus grand feu d'artifice d'Europe qui se déroule à Saint-Cloud. Ce sera le 10 septembre prochain à partir de 21h. Eh bien, vous savez quoi? Le 10 septembre, c'est un? Le 10 septembre, j'ai écouté, ça doit être samedi, je pense. Non, puisqu'on est le 4 aujourd'hui, samedi 3, samedi 10. D'accord. Voilà, donc, samedi prochain, 10 septembre, je vous offre des places pour ce feu d'artifice. Alors, bien sûr, il faut être en région parisienne, ou peut-être que vous vous apprêtez à venir dans la région parisienne pour la semaine prochaine. Eh bien, alors, à ce moment-là, si ces places vous intéressent, parce qu'on vous en offre à chaque fois des lots de deux, eh bien, vous jouez avec nous par SMS. Comment ça se passe? Vous nous envoyez tout simplement les trois lettres de votre radio, RMC, RMC par SMS au 7-32-16, les amis, tout simplement. Non, RMC par SMS même moi, au 7-32-16, et vous pouvez participer au tirage au sort. On a en tout 70 lots de places pour vous, donc n'hésitez pas. Petite question mail, oui, il nous reste 1 minute 30, donc on va vite s'intéresser à une petite question mail. La question de Miguel, y a-t-il plus ou moins de frais d'entretien pour une voiture électrique plutôt qu'essence? Ah bah tiens, voilà une bonne question. Est encore dans l'électrique. Alors, bien évidemment... Même moi, je pense que j'ai la réponse. Mais oui, donc allez-y, donnez-la. Il y a moins de frais avec un véhicule électrique, bien sûr. Évidemment, ça pose même un problème aux concessionnaires qui ont besoin quand même de voir passer les voitures de temps en temps. Donc là, comme il n'y a pas de vidange, que les plaquettes de frein s'usent beaucoup moins parce que en fait, on a le freinage régénératif, c'est-à-dire qu'en décélération, c'est le moteur électrique qui récupère l'énergie, donc on n'use pas les plaquettes de frein, ou on les use beaucoup moins. On use également moins les pneumatiques parce que, alors là, la raison, c'est que quand on est en véhicule électrique, on a une conduite beaucoup plus apaisée que quand on est avec un véhicule normal. D'accord. Donc on fait moins de démarrage sur les chapeaux de roue, on fait moins de freinage appuyé, et donc on use moins les pneumatiques qu'avec un véhicule traditionnel. Donc malgré tout, les freins s'usent, les pneus s'usent. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer? Ils s'usent beaucoup moins. Alors sur la Renault Zoé, c'est un moteur un peu particulier qui est d'une technologie différente des autres. Il y a ce qu'on appelle les balais à changer à 75 000, 80 000 km. C'est une opération qui est pas extrêmement chère, mais il y a beaucoup moins d'entretien. On va dire que c'est 50% moins. Puisqu'il n'y a pas de moteur thermique, donc sur un aujourd'hui véhicule classique. Voilà, le cœur de l'entretien d'un véhicule, c'est le moteur thermique. Exactement, vous allez changer, on a dit les consommables, et encore, vous les changerez moins souvent que sur un véhicule classique. Donc, il y aura une vérification de la batterie à faire de temps en temps. Voilà. Voilà. On revient dans un instant, Jean-Luc. Il est bientôt 8h30, la météo, les infos, et on repart dans ce rendez-vous auto avec vos questions. 3216 ou auto@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, une imprimante à prix cassé, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Du 17 août au 25 septembre, profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'imprimante multifonction laser Lexmark MX310 est à 149€ au lieu de 349, soit 200€ d'économie. Et c'est avec Jean-Baptiste Bergès qu'on fait un point sur la météo de votre dimanche sur RMC. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, retour des nuages, de la pluie, du vent et baisse des températures dans le nord. L'amélioration c'est pour mardi. En attendant, ce matin, toute la partie nord du pays se réveille sous la grisaille. Il pleut légèrement en Île-de-France, mais c'est surtout à l'est du bassin parisien, jusqu'à l'Alsace, que les pluies sont les plus intenses. Exemple à Charleville-Mézières dans les Ardennes, il pleut en ce moment. Et ces pluies orageuses vont s'intensifier au cours de la journée et vont gagner la Franche-Comté. En Bretagne, en Normandie, pas de pluie, mais des nuages aussi et du vent sur les côtes de la Manche jusqu'au Pas-de-Calais. Du vent du sud-ouest qui va souffler toute la journée jusqu'à 70 km/h. Ailleurs, le ciel restera voilé toute la journée. En Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera lumineux mais un peu laiteux. Et sur le pourtour méditerranéen, beau ciel bleu ce matin, mais là-bas aussi, au cours de la journée, il deviendra de plus en plus voilé. Les températures nettement en baisse au nord, mais toujours élevées au sud. Ce matin, le thermomètre affiche 14 degrés à Strasbourg, 17 à Rouen, 19 à Orléans et 22 à Nice. Cet après-midi, il fera 21 à Lille, tout juste 23 à Paris, 33 par contre à Toulouse et 33 prévus à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est pile 8h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Les voies sur berge à Paris, c'est semble-t-il terminé. C'est l'annonce de la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce matin dans le JDD. La fin de Paris-Plage, c'est aujourd'hui. Et la mairie va en profiter pour ne plus ouvrir les berges rive droite aux voitures. Mesure écologique, dit Anne Hidalgo. Toujours dans le journal du dimanche, ce matin, la stratégie Macron. Le ministre démissionnaire s'exprime longuement. Sa mission, susciter l'engouement. Et sans se déclarer candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron prend pourtant les réflexes du prétendant, critiquant sérieusement Nicolas Sarkozy et s'en prenant aussi au mandat de François Hollande. Enfin, la politique, c'est aussi le parti Les Républicains qui clôt son campus d'été aujourd'hui à La Baule. Tous les candidats à la primaire y ont pris la parole, sauf Nicolas Sarkozy qui clôturera le rendez-vous ce dimanche. Mesure de précaution dans l'un des plus grands lactariums d'Île-de-France, celui de l'hôpital Necker. Il a suspendu hier ses livraisons après la découverte d'une contamination chez 3 bébés grands prématurés. 2 d'entre eux sont décédés. Le lactarium distribue chaque mois 700 litres de lait maternel issu des dons. Pas de miracle, mais en tout cas, de vraies avancées, les conclusions des essais cliniques sur le baclofène pour traiter l'alcoolisme. Le médicament ne soigne pas l'addiction, mais il permet de réduire la consommation d'alcool dans 1 cas sur 2, et surtout chez les gros consommateurs. Le sport et le rugby, 3e journée de top 14 ce week-end, Brive et La Rochelle en tête du classement. Ils ont battu Toulon et Castres hier, des victoires aussi pour Pau et Lyon. Match nul entre le Stade Français et Clermont. Et puis un rendez-vous de Formule 1 aujourd'hui sur RMC, 14h, le départ du Grand Prix d'Italie avec Lewis Hamilton en pole position. Votre auto sur RMC, 8h31. Jean-Luc Moreau et François Sorel, messieurs. Merci beaucoup Thomas. Et tiens, puisque vous avez évoqué la fermeture définitive des voies sur berge à Paris, Jean-Luc Moreau, qui est ici, voulait réagir. Jean-Luc, vous êtes content, j'imagine, de cette décision. Je suis extrêmement content. Non, mais au moins, il y a quelque chose de positif, c'est que Anne Hidalgo assume sa politique anti-voiture. En décidant... Ah, mais ça, c'est pas nouveau. Oui, non, mais là, vous savez qu'il y a eu un avis contraire. Complètement. Il y a une étude qui a été faite. Mais qui est non suspensif. Voilà. Et donc, c'est juste un avis. Alors, consultatif. L'argument écologique et il me fait doucement rigoler parce que même si ça va diminuer légèrement le trafic, puisque certaines personnes ne pouvant plus prendre les quais vont se reporter sur d'autres types de transports en commun, les voitures en revanche qui empruntaient cet itinéraire vont être obligées de passer dans Paris. Et le fait de passer de 50 km/h à 12 km/h de moyenne, c'est à peu près la moyenne qu'on fait dans Paris intramuros, multiplie par 3 la pollution. Donc de dire c'est un argument écologique. C'est-à-dire qu'on ne fait que déporter la pollution. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Il faut prendre l'exemple de Tokyo au Japon qui a fait des autoroutes dans la ville afin de diminuer la pollution. C'est exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire à Paris. Et là ça marche, hein. Vous allez à Tokyo, on respire bien. Oui, mais d'un côté, Anne Hidalgo ferait bien de prendre conseil auprès de gens. Je ne veux pas prendre la défense. Un petit peu pertinent, quand même. Anne Hidalgo, mais ça va être aussi, on va dire, un endroit qui va être très sympathique pour les piétons, puisque toutes ces voies sur berge vont être aménagées pour que les gens puissent se balader, etc. Vous savez quoi, on n'a qu'à interdire les voitures tout court en France, ça sera sympa, on pourra se promener à pied. Voilà, Thomas. Vous écouterez des Parisiens en colère dans le journal de 9h. Et puis on supprime l'avion, puis vous irez en Corse en bateau. Thomas, ça c'est bien aussi. À balancer des informations dans votre rappel des titres. Et oui. Non, vous savez, le Moyen-Âge, ça avait des avantages. On va pas l'arrêter. Bon, écoutez, Thomas, allez-y. Vous pouvez partir en pas chassé. Il va peut-être pas s'en rendre compte. Je m'échappe. Et moi, je vais essayer de le distraire. Ça va, Jean-Luc, à part ça, tout va bien. On se retrouve tout de suite. 32-16 pour toutes les questions auto. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps. Jean-Luc Mourot, attention! Eh oui, it's time for the question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Patrick. Un employeur, Jean-Luc, peut-il obliger un salarié à payer les PV récoltés avec un véhicule de la société? Alors, il y a beaucoup d'employeurs qui malheureusement font ça. Pourquoi je dis malheureusement? Eh bien, figurez-vous que le Code du travail énonce clairement le principe au terme duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez un PV avec votre voiture de fonction ou avec une voiture de la société, par exemple, vous sortez vous avec une voiture RMC et vous faites prendre, vous faites flasher à tous les radars automatiques, normalement, RMC n'a pas... En plus, on a juste un radar en face sur le périph' là, voilà. Juste à côté. Ouais, bah, si vous faites le tour du pâté de maison que vous passez devant, à la fin de la journée, vous pouvez avoir une belle collection de photos. Si vous allez assez vite, ça peut même faire un petit film. C'est vous vrai. Les mettez, vous savez, sur un petit carnet, puis ensuite vous faites défiler. Mais ça peut être sympa. Voilà. Non, il n'a pas le droit de vous faire payer les PV. Alors, comment ça peut se passer? Il a deux solutions, l'employeur. Premièrement, il vous dénonce. Il dit oui, c'est François Sorel. Donc là, vous payez directement les PV à l'État et on vous retire des points sur votre permis de conduire. Deuxième solution, il dit je suis désolé, je sais pas qui conduisait la voiture. Donc là, il a toutes les chances, de plus en plus, surtout si c'est assez fréquent, d'être convoqué. C'est jamais très agréable, mais il ne perdra pas de points, bien évidemment, sur son permis de conduire. Et pécuniairement, la société sera responsable. Donc, il faudra payer l'amende qu'il ne doit pas ensuite vous demander de rembourser. Vous voyez dans quelle situation on est un petit peu... Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu délicat. Donc, malheureusement, il y a un texte qui risque de passer prochainement, qui obligera à une dénonciation, faute de quoi il y aura 750 euros d'amende. Donc là, ça va vraiment inciter les patrons de sociétés à dénoncer ceux qui étaient au volant. D'accord. 32-16 pour toutes vos questions auto sur RMC exclusivement. N'hésitez pas à nous appeler. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h. Votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. Ça y est, vous vous êtes calmé concernant les voies sur berge, ça va mieux? Hein? Mais pourquoi vous prenez pas plus de voies pour traverser Paris, prenez-vous un petit Zodiac? Là, c'est pas interdit. Non, mais ça pollue un Zodiac, vous vous rendez pas compte? Non, bon, ou alors un paddle. Et c'est vous... ça, voilà, un paddle. Voilà. Mais, ça vous savez quoi, on fera une émission par mois, puis je viendrai en paddle. un petit pédalo sur la Seine. Bah oui. Et ben voilà. Non, mon seul problème, c'est que moi, je suis obligé de remonter. Ça vous musclera vos jambes. Je suis obligé de remonter le courant de la Seine pour venir travailler. Et en pédalo, ça va faire loin. Et puis quand vous êtes un peu dans les hauteurs sur Paris, ça va être compliqué en pédalo. Mais faut que je trouve un. Attaquer la montée. Je trouve une rivière en pente. C'est reparti pour ce week-end des experts, l'automobile. Tout à l'heure, on évoquera des nouveautés en matière de contrôle technique automobile, notamment concernant la pollution. Exactement. Puisque le paradoxe, c'est que... On, oui, jusqu'à présent, on ne contrôlait pas la pollution des diesels. Oui. Alors vous avez Anne Hidalgo qui décide d'interdire les voitures dans Paris, mais jusque-là, on a quand même tout fait pour prendre le retour de bâton. Hein. On n'a jamais contrôlé la pollution des diesels. Alors on dit, ah, ça pollue, et on ne contrôlait pas. Donc ça va, maintenant la nouveauté, c'est qu'on va contrôler. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'on va découvrir déjà ? Oui, bien sûr. On va vous dire ce qu'on va découvrir, vous allez voir, c'est pas forcément joli joli. Et est-ce que c'est un bien ou un mal pour les automobilistes ? Donc ça, on va le découvrir aussi tout à l'heure. Très bien. Tiens, on parle tout à l'heure d'Anne Hidalgo, de cette décision de la mairie de Paris. Mais si un jour Anne Hidalgo veut venir dans cette émission pour débattre sur ce sujet, il n'y a pas de souci, on la recevra avec plaisir. Oui, en plus, on est très courtois, etc. On sera bien là. Moi, j'ai des vrais chiffres. Il n'y a pas de souci. J'ai des vrais chiffres. Mais ça vaut peut-être le coup d'entamer le débat avec la mairie de Paris sur ce sujet. Hein. S'il le désire, on lance un appel. C'est très parisien, mais. Mais c'est quand même peut-être. Alors, c'est vrai que. Mais ça peut montrer l'exemple. Ça stigmatise quand même. Peut-être que ça va aussi inciter d'autres grandes villes françaises à prendre ces initiatives-là. Donc, en tout cas, si un représentant de la mairie de Paris veut intervenir un de ces jours, il n'y a pas de souci, ils seront les bienvenus. Dans un instant, ça sera l'essai de la semaine, la Kia Optima PHEV, donc qui est une hybride rechargeable. Quels sont les avantages et inconvénients de la carte grise collection ? Ce sera notre bon plan auto et vos questions auto au 3216. Et notamment témoignages, j'en parlais tout à l'heure, Maryse nous a laissé un petit mail juste avant les infos de 8h30. Bonjour Maryse. Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bonjour Maryse. Alors vous faites de la Zoé sur l'autoroute, vous ? Tout à fait, oui. Quel parcours vous faites, Juste une chose, vous avez une Zoé depuis juin, donc c'est tout récent, hein ? Oui, tout récent, oui, depuis juin. C'est vrai que je réfléchissais pour changer de véhicule et pour moi, il n'était pas question de reprendre un véhicule thermique ou un diesel. Parce que même si je fais de l'autoroute, je pensais qu'il y avait une solution. Donc, j'ai testé la Zoé, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce véhicule en prêt hein, par le garage Renault la Valentine. Donc ça fait encore plus loin puisque ça fait la Valentine Marseille-Martigues. Ah oui, Renault vous en a prêté une pour que justement vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je voulais vraiment voir dans les conditions d'usage réel, parce que quand on fait un essai pour sur 2 ou 3 kilomètres, on se rend pas compte. Oui. Déjà la conduite, les conditions de circulation en temps réel, et je n'avais pas de prise à ce moment-là, donc je ne pouvais pas la recharger. Donc le lendemain, je l'ai ramené et j'ai pas eu de problème. Je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait des zones de circulation où elle rechargeait bien. Bon, c'est vrai que la région marseillaise, ça monte, ça descend. Mais si après on fait de la conduite, bon, c'est vrai que je suivais vos conseils depuis très longtemps en éco-conduite puisque j'avais un diesel avant, donc je m'étais déjà rendu compte comment on pouvait faire des économies de carburant sans aller moins vite, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'éco-conduite c'est rouler doucement, c'est pas ça. Hein. Et la Zoé, par rapport à mon véhicule, puisque j'avais un Scénic, donc un 130 chevaux, c'est vrai que je peux rouler beaucoup plus vite. Mais là, bon, l'autoroute, de toute manière, était à 110. Il y a des zones à 90. Je m'aperçois qu'on a une zone plus cool. J'ai pas perdu, je pars à la même heure, je roule moins vite, mais j'arrive toujours à la même heure, j'ai le même temps de circulation, et c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en roulant normalement et d'une manière calme, en respectant la réglementation, on ne perd pas de temps du tout. Donc, Marie, on arrive moins stressé, hein, vous avez remarqué ça. En fait, je voulais témoigner parce qu'on s'en rend pas compte. De le dire, c'est une chose, et de le vivre, c'est vraiment une chose. On est cool, on n'a pas envie de se mêler à la jungle de la route. Et vous connaissez cette voie de circulation, cette autoroute vers Marseille. Les gens sont comme des fous. C'est vrai que c'est très dense en plus là-bas. C'est très dense. Maryse, juste une question concernant l'autonomie. Vous n'avez pas le stress de la batterie vide ? Ça va ? Vous gérez bien tout ça ? Du tout, parce que bon, je la charge tous les jours, bien entendu, quand je vais sur Marseille. Sinon, normalement, quand je suis en période estivale ou le week-end, bon, ben, je la charge moins. C'est vrai que j'ai pris aussi une autonomie de kilométrage. On peut tout négocier avec Renault et ceux qui louent les batteries. J'ai pris 20 000 km par an pour être tranquille. c'est à peu près ce que je vais faire puisque je travaille donc sur Marseille. Tout est possible en fait, même au niveau des financements, les périodes, tout est possible. On ne peut pas se contenter juste de dire bon ben on aura passé avec 5000, bien sûr qu'on aura passé avec 5000 kilomètres, mais on peut faire autrement. Je fais donc en fonction du temps, je roule en, bon l'été il fait très chaud quand même, hein, donc la climatisation normale tous les jours, ça avec la période de chauffage l'hiver, je vais chauffer. Quand j'arrive, il me reste à peu près 48% d'autonomie. Et vous faites combien de kilomètres? 82 kilomètres aller-retour. D'accord, donc ça veut dire que vous avez 130-140 kilomètres d'autonomie réelle, quoi. Ouais. En étant consommatrice avec la clim ou avec le chauffage. Avec normal la radio, ouais. Enfin tous les accessoires normaux. La radio c'est obligatoire. Oui, la radio c'est obligatoire. Elle est coincée sur RMC en plus, Marie. Oui, la radio, vous êtes obligé de mettre toutes les présélections sur RMC. Voilà, c'est ça. Sportive, donc l'après-midi, j'écoute. Bon, ben parfait, c'est très bien. Mais c'est vrai que, alors après, moi, ma question, par contre, c'est peut-être de savoir, est-ce que de la charger tous les jours, quand je suis donc en période de circulation intense, est-ce que ça aura une incidence sur... Non, il vaut mieux la charger plus souvent. Et ce qui est dommageable pour les batteries, c'est la même chose pour les téléphones portables. Donc si vous avez un téléphone portable, écoutez-moi, ce qui est dangereux pour une batterie lithium-ion moderne, c'est de la décharger profondément. Donc c'est-à-dire de se retrouver presque c'est en dessous de 20%, au-dessus de 80%. Voilà, ça c'est les deux marges qu'il faut pas dépasser. Donc il vaut mieux charger un petit peu chaque jour sans la remplir forcément à fond et surtout ne pas la décharger complètement. Contrairement à une idée reçue autrefois. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'était sur des accumulateurs nickel-cadmium. Où il y avait de l'effet mémoire. Donc, si on ne déchargeait pas complètement, on perdait de la capacité petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ne jamais décharger en dessous de 20 et éviter de recharger à fond. Et vous allez augmenter la durée de vie de votre batterie. Cela dit, Marie, c'est même pas un problème puisque de toute façon, vous louez les batteries. Vous louez la batterie. Il y a un problème. Renault vous la charge. Voilà. Et vous la change sans aucun. Et de toute façon, votre batterie. J'en ai bien conscience. Oui. Et de toute façon, votre batterie, vous pouvez pas la vider complètement ni la recharger complètement. Renault a prévu ça. Un système. Il y a toujours une petite marge. C'est-à-dire que la capacité installée de la batterie est supérieure à la capacité utile. Donc, vous pouvez pas la recharger à 100%. Ça s'arrête avant d'être complètement plein. C'est la bouteille, vous voyez. Ils ont mis une bouteille plus grande, mais on la remplit jamais complètement. Merci, Maryse, pour ce témoignage. Et encore bravo pour ce choix, parce que c'est vrai que c'est ce que Jean-Luc nous invite à faire depuis de nombreuses années maintenant. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus d'auditeurs ou d'auditrices qui ont franchi le pas, qui passent du diesel à l'électrique. Ça, c'est efficace. Peut-être encore plus que les voies sur berge, finalement. L'ambition à Paris, c'est de supprimer l'auto. Ouais. C'est pas de dire on va baisser la pollution, puisque c'est des mesures qui sont contre-productives en matière de baisse de pollution. Jean-Luc, on revient dans un instant. On aura Michel, on aura notre bon plan auto et l'essai de la semaine. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac. S'il vous plaît, Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ce soir, 20h50 sur RMC Découverte, apprenez le sens des affaires avec Jeff Schwartz, le roi des liquidations. Il vend et achète tout ce qui bouge. Ne pas négocier avec lui, c'est pas négociable. Le liquidateur, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, canal 24. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Les amis, 8h46, c'était RMC, le week-end des experts l'automobile. Jean-Luc, Michel sera avec nous dans un instant. Il aimerait avoir vos conseils parce qu'il aimerait s'offrir un petit crossover sympa. Oui, il y en a plein. Et il hésite. Mais auparavant, donc, notre bon plan auto. Quels sont les avantages et inconvénients de la carte grise collection, Jean-Luc? Eh bien, le premier, dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs, si vous êtes en carte grise collection, les restrictions de circulation environnementale ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, vous savez que les véhicules antérieurs à 1997 n'ont plus le droit de circuler dans la semaine entre 8h et 20h. Eh bien, si vous avez une voiture en carte grise collection, ça ne s'applique pas. Ça, c'est le premier avantage. Ça, deuxième avantage, le contrôle technique dont on parlera tout à l'heure, vous l'avez que tous les 5 ans, au lieu de l'avoir tous les 2 ans. Donc, ça vous permet, si vous êtes collectionneur et que vous avez plusieurs voitures, de ne pas habiter chez le contrôleur technique. Parce que si vous avez une dizaine de voitures, vous êtes tout le temps là-bas. Ensuite, les plaques d'immatriculation. Vous pouvez garder des plaques qui ont la forme des plaques de l'époque. On imagine une traction, par exemple, vous savez, avec une plaque arrondie. On va pas mettre un placard moderne dessus, très moche. Donc, on peut conserver des plaques, en plus, sur fond noir. C'est également... Alors, outre la fierté d'avoir une voiture de collection, ça ne rentre pas dans le calcul de l'ISF. Par exemple, pour vous, François, qui avait besoin de défiscaliser massivement, la Fuego va bientôt pouvoir être classée voiture de... Enfin, pourra bientôt avoir une carte grise collection. Donc, c'est au-delà de 30 ans, une carte grise collection, et ça ne rentrera pas dans le calcul de votre ISF. Bon, certes, la Fuego, ça va pas sortir beaucoup d'argent, mais ça explique aussi l'envolée de certains modèles qui se vendent à plusieurs millions d'euros dans les ventes aux enchères. Parfait, on enchaîne avec Michel maintenant. Bonjour Michel. Oui, bonjour, merci de m'avoir appelé, c'est sympa. Hein. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Voilà, écoutez, comme vous le savez, je souhaiterais acheter un petit crossover sympa. Alors, il n'en manque pas, j'ai regardé un peu partout. Hein. Alors, alors les conseils, vous voulez quoi? Essence diesel, faites quoi les comme conseils, parcours quelque chose. Alors, vous savez pourquoi j'achète un crossover? D'abord, pour la position en hauteur du véhicule, c'est toujours comme ça. Et puis après, je voudrais une forme sympa, quelque chose. Bon, j'en ai vu beaucoup, mais j'hésite pour faire mon choix, voilà. Alors, vous faites quoi comme type de parcours? Alors, écoutez, je faisais 400 km par jour, mais depuis que je suis à la retraite, j'en fais beaucoup moins. Ah, d'accord. Oui, non, alors, vous faites combien maintenant aujourd'hui? Bon, je fais 20 000. Je vais faire 20 000. Ouais, c'est comme ça, quoi. Ouais. Donc, essence, ça peut fonctionner. Alors, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui sera d'ailleurs l'essai de la semaine prochaine. C'est le Peugeot 2008 qui a été restylé. Il manquait un petit peu de caractère. Alors son concurrent, c'est le Renault Captur, qui est le petit SUV le plus vendu en France. Le 2008 avec sa nouvelle bouille, franchement, a maintenant pour moi repris un petit peu l'avantage. Et il reprend d'autant plus l'avantage qu'il a des moteurs plus sympas, en particulier le moteur essence PureTech 110 ou 130 chevaux. Disponible dans les deux cas avec la boîte automatique, qui est vraiment un pur bonheur. Hein. Si vous prenez les deux, je vous conseille ça. Bon, le Renault Captur, je dis pas qu'il est pas bien. C'est le plus vendu. Il a une bouille sympa. Il a des coloris qui sont fun. Une bonne modularité. Mais il y a un truc qui me déplaît foncièrement sur. Non, mais c'est pas ça. C'est que Renault triche sur les émissions polluantes et le Captur, c'est le plus mauvais élève de la classe. Donc, alors, en diesel, le Captur, franchement, bonnet d'âne et. J'ai compris. Au piquet. Alors, donc, je privilégierais plutôt un Peugeot 2008. Après, tout à l'heure, on a parlé de l'Opel Mokka, qui est un petit peu plus grand. Voilà. Qui est dispo. Alors, il y a un nouveau moteur essence, 1 litre 4, 153 chevaux, mais vous n'avez peut-être pas besoin de ça, qui fait 4-4. Est-ce que vous avez besoin de 4 roues motrices ou pas? Non, pas du tout. Non, je vous dis, moi, c'est surtout une position de conduite. Parce que j'ai roulé avec des voitures de société qui étaient un peu surélevées. Bon, ça va très bien, quoi. Et puis, on est bien, on voit bien, c'est sympa. Et pour s'asseoir, pour monter, descendre, c'est parfait. Hein? Le Mokka avec le 1 litre 4, il aurait un petit peu plus puissant, 140 chevaux, mais comme les tarifs sont relativement serrés chez Opel, finalement, on arrive à avoir des prix qui vont être à peu près dans les tarifs du Peugeot 2008 de tout à l'heure. Il est un peu plus volumineux, donc peut-être un peu moins pratique si on fait de la ville. Parfait, merci beaucoup Michel, et bon dimanche. Jean-Luc, on essaie... La Kia Optima PHEV. Eh oui, parce que donc Kia, une hybride rechargeable. Alors Kia a déjà, vous savez, présenté un véhicule électrique, c'est la Soul EV, hein, qu'on avait essayé en avant-première un an avant tout le monde. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez. Elle est sortie là, ça y est. Ah bah oui, ça fait déjà pratiquement 3 ans, donc 2 ans et demi. Hein, voilà. Oui. Ensuite, on a parlé du Kia Niro il y a pas longtemps, vous savez, un crossover hybride. Tout à fait. Donc là, ils sortent, c'est une grande berline cette fois, l'Optima. Hybride rechargeable, ce qui fait que Kia est le seul constructeur au monde à proposer à la fois 100% électrique, hybride et hybride rechargeable. Donc ça, voilà. Bon, le Qu'est-ce seul qu'ils truc... sont forts ces Coréens. Ouais, et oui, mais vous savez, ils sont arrivés un petit peu plus tard. C'est très étonnant parce qu'en matière de batterie, les leaders mondiaux des technologies de batterie qu'on utilise, bah dans vos téléphones, vous avez une batterie coréenne. Vous achetez une Renault Zoe, vous avez une batterie coréenne. Oui. Donc on se dit. C'est étonnant quand même que les Coréens ne proposent pas ce genre de véhicule. Bon, ils sont en train de revenir sur le devant. Hyundai aussi va se. Ouais, ouais, mais Hyundai, pareil. Voilà. Il y aura. On vient de parler là de l'équivalent de la Prius chez Hyundai et du modèle électrique, la Ioniq électrique, qui est pour moi le meilleur véhicule électrique actuellement disponible sur le marché. Et on connaît les prix, ça y est. On les a eu cette semaine. Ouais. Voilà. Donc franchement, ce qu'ils font, c'est très bien. Alors. Petit bémol sur l'Optima, ça commence à être une voiture un peu vieillissante. Elle a été présentée en 2010, certes. Elle a eu un petit lifting. Sur cette version hybride rechargeable, on a aussi un petit peu travaillé l'aérodynamisme, ce qui permet d'avoir un CX de 0,25. Alors le problème, c'est comme c'est un véhicule qui date un petit peu, l'intégration des batteries est moins poussée que sur les véhicules plus récents, ce qui fait que le coffre a une capacité qui diminue quand même singulièrement. On passe de 505 litres à 307. Donc vous voyez, on perd pratiquement 200 litres de coffre. Mais cela dit, on a une grosse batterie, ou plutôt deux grosses batteries, lithium-ion polymère, d'une capacité totale de 9,8 kWh. C'est pas mal, et ça permet de faire, alors là je dis réellement, ça permet de faire 50 km en mode 100% électrique, c'est-à-dire zéro pollution. Elle a une concurrente quand même, cette voiture, c'est la Volkswagen Passat GTE, hybride rechargeable également, qui a un moteur électrique plus puissant, qui est un peu plus dynamique que elle. Et c'est vrai que quand on est descendu de la Passat GTE et qu'on monte dans l'Optima, on est un petit peu déçu. Elle est plus pépère que l'autre. Cela dit, la conduite pépère, au moins un avantage, c'est qu'on arrive à avoir des consommations qui sont très basses. Alors là, faut pas se laisser éblouir par la puissance de la voiture. Elle est annoncée, les deux moteurs en fonctionnement, c'est-à-dire moteur thermique et moteur électrique, on annonce 205 chevaux. Bon, dans la réalité, ces 205 chevaux, on les a pas tout le temps. Et surtout, ça peut manquer un peu de peps dans les relances. La boîte, il y a une boîte automatique 6 rapports, mais qui est pareil d'ancienne génération, et pas très réactive. Donc, on n'a pas envie de rouler vite avec cette voiture. Et quand on roule avec le pied relativement léger, on arrive à des consommations qui sont quand même assez intéressantes. Nous, en Allemagne, en roulant de façon dynamique, on a consommé 6,5 litres. Si on a un peu le pied un peu plus léger, c'est-à-dire la conduite de monsieur tout le monde, on descend à 5,5 litres. C'est quand même une grande voiture qui mesure plus de 4,80 m de long, qui pèse 1780 kg, est à 5,5 litres. C'est plutôt bien, tout en pensant que 5,5 litres, c'est la conso quand on est en mode hybride, c'est-à-dire quand la batterie est vide. Et vous avez quand même 50 km d'autonomie en électrique avec zéro pollution. Le nerf de la guerre, comme toujours, c'est le prix. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? 10% tout à l'heure. En général, Kia, c'est plutôt des bons rapports qualité-prix. La voiture est très bien équipée. Bon, ça sera quelques centaines de ventes en France. Et ça s'adresse surtout aux entreprises. Pourquoi? Parce que cette catégorie des grandes berlines, l'essentiel du marché, c'est les sociétés. Et puis, cette version hybride rechargeable a l'avantage de ne pas avoir de TVS. Donc, vous faites quand même une économie substantielle chaque année. Vous faites une économie aussi sur le budget carburant. Et il est possible que dans la loi de finances, on vote aussi la récupération de la TVA sur l'essence. Donc là, ça va vraiment être intéressant. Elle est un petit peu moins chère. À équipement équivalent, tout à l'heure on parlait de la Passat GTE, elle est 10% moins chère environ. La version que j'ai essayée était à 45 990 €. Vous bénéficiez de 1 000 € de bonus écologique, donc à déduire de ça, et pas de TVS, la carte grise gratuite dans certaines régions. Donc fiscalement, ça peut être intéressant. Elle est un petit peu un cran en dessous, en revanche, de la Passat, mais comme je vous ai dit, c'est plutôt un véhicule qui est là pour occuper le terrain. Il y a des modèles plus moderne, en particulier le Niro hybride rechargeable qui va arriver. Et il y aura une version break de cet Optima qui va arriver aussi l'année prochaine, qui sera plus intéressante puisque là, pour le coup, la capacité de chargement sera préservée. Ce qui est aujourd'hui le plus gros défaut de la voiture. Très bien, voilà pour cette Kia Optima PHEV. Il est 8h56, Jean-Luc, on va revenir dans un instant. Après la météo et les infos de 9h, on va s'intéresser au contrôle technique qui va évoluer. et qui va maintenant s'intéresser à la pollution des diesels. C'est déjà le cas d'ailleurs en test hein, depuis le 1er septembre. Dans certains centres auto. Depuis le 1er septembre, il y a 19 centres auto en France qui vont tester ce nouveau contrôle technique pollution. On parle des diesels, les essences aussi sont concernées, mais les essences, jusqu'à présent, on les contrôlait déjà. Ouais. Les diesels, le contrôle qu'on faisait, c'était un cataplasme et une jambe de bois. Donc là, on va vraiment contrôler ce qui se passe. L'idée, c'est pas de vous punir. L'idée, c'est de vous dire, attention, vous êtes malade, votre voiture est malade, il faut la soigner. On en parle dans un instant après la météo, les infos 9h, et puis on retrouvera aussi tout à l'heure toute l'actualité de la semaine avec automoto.com, comme chaque dimanche. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, la génération 98 s'installe tous les jours de 18h à 20h sur RMC. En défense, le bœuf d'Imeco. Au milieu, petit Roten et en attaque, devinez qui ? Votre serviteur, Christophe Dugarry. Ça commence à faire une belle équipe tout ça, non ? Le nouveau show-foot d'RMC, Team Dugas, demain 18h-20h sur RMC. Vivez vos émotions à 100% en pariant sur l'application PMU Hippic quand vous voulez, où vous voulez. Retrouvez toute l'information Hippic et les courses en direct à télécharger maintenant sur votre mobile. PMU, on parie que vous allez gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Pendant ce temps, chez Renault Service. Allô chérie ? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Ouais, je sais, c'est trop bête. Pipo. Pardon ? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super ! La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. RMC, 9h, une nouvelle heure commence. Plus que deux jours avant de vivre une expérience renversante avec le mois Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le mois Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. RMC, ce week-end, les Formule 1 sont sur les terres de Ferrari à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce dimanche avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors ce dimanche, ça va être contrasté. Regardez, on attend 37 degrés à Alès dans le Gard, mais il ne fera que 18 degrés à Dieppe en Seine-Maritime. Et s'il fait moins chaud dans le Nord, c'est à cause de cette dégradation qui s'est installée hier par la Bretagne et qui s'est déplacée cette nuit vers l'Est. C'est surtout à l'Est d'ailleurs du bassin parisien que les pluies sont actuellement soutenues jusqu'à l'Alsace. Des pluies orageuses qui vont s'intensifier au cours de la journée pour gagner la Franche-Comté. Ailleurs, à l'arrière de cette dégradation, en Bretagne, en Normandie, pas de pluie, mais ça va rester assez nuageux et du vent prévu des Hauts-de-France, en Normandie, du vent du sud-ouest à 70 km/h. En Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, là-bas, le ciel va garder un aspect laiteux tout au long de la journée. Et seul le pourtour méditerranéen aura droit à de belles éclaircies ce matin, mais cet après-midi, ça va se voiler également. Les températures, il fait 15 degrés à Mulhouse, 17 à Rouen, 19 à Orléans ce matin. Et cet après-midi, comptez 21 degrés à Lille, 23 à Paris, 33 du côté de Toulouse et 33 degrés également prévus à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier, suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le retour du week-end des experts auto. Il est 9h sur RMC. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Trois bébés grands, prématurés, contaminés. Que s'est-il passé dans le lactarium d'Île-de-France hier ? Il a suspendu la livraison de lait maternel aux hôpitaux. Les voies sur berge à Paris, c'est terminé pour les automobilistes. C'est en tout cas ce que dit Anne Hidalgo dans le JDD ce matin. La grogne des Parisiens dans ce journal. Et puis le sport, c'est le football et les Bleus qui prennent le temps de soigner leur popularité. Et malgré l'échec à l'Euro, elle est bien réelle cette popularité. Il est 9h sur RMC. C'est bonjour à tous. C'est l'un des principaux fournisseurs de lait maternel en France. 700 litres distribués chaque mois aux grands prématurés d'Île-de-France. Le lactarium de l'hôpital Necker a donc suspendu ses livraisons hier. Suspicion de contamination, Romain Cluzel. Une bactérie très dangereuse lorsqu'elle infecte les grands prématurés, des bébés de moins d'un kilo. Les trois nouveau-nés contaminés avaient reçu dans leur alimentation du lait maternel délivré par le lactarium de l'hôpital Necker à Paris. Ce lait est prescrit notamment aux grands prématurés dans les cas où la mère ne peut pas nourrir son enfant. Il suit des procédures très strictes avant d'être délivré. Par mesure de précaution, l'hôpital Necker a suspendu la délivrance de son lait maternel et des lots ont été rappelés. Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer s'il y a eu contamination par la bactérie qui a provoqué la mort de deux nouveau-nés. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de semaine prochaine. Pour continuer à prescrire du lait maternel en Île-de-France, des échantillons doivent être transférés d'un lactarium du Lot-et-Garonne. Et quand il s'agit de grands prématurés, évidemment aucun risque n'est toléré. Et la pédiatre Sylvie Hubinois soutient la décision des autorités de santé. Tous les nouveau-nés sont à risque infectieux parce qu'ils ont tous une immunité qui n'est pas très bonne, mais les grands prématurés encore plus que les autres. Il y a des bactéries un petit peu partout. S'il y en a dans le lait en quantité importante, ça peut éventuellement se transmettre par le lait. C'est un petit peu ça le problème. C'est un principe de précaution qui paraît plus que raisonnable. D'avoir suspendu l'administration du lait, il vaut mieux donner du lait en poudre que du lait qui risque d'être contaminé si on ne sait pas d'où vient la contamination. À Sylvie Hubinois interrogée par Mélanie Payon. Ce n'est pas le médicament miracle pour lutter contre l'alcoolisme, mais il a des effets non négligeables. Les conclusions d'une étude clinique sur le baclofène, le médicament permet de réduire la consommation d'alcool dans un cas sur deux et surtout chez les gros consommateurs. Si les voies sur berge à Paris sont un itinéraire quotidien pour vous, il va falloir trouver une autre solution. Dans le journal du dimanche, ce matin, Anne Hidalgo éclaire, les voies sur berge seront piétonnes dorénavant et elle profite de la fermeture de Paris Plage aujourd'hui pour installer des barrières définitive, Jacques Serey, voilà qui va faire râler l'automobiliste. Au volant de sa voiture, Alain, chauffeur de taxi, est en colère. Ça va être encore un plus grand bazar. Cette décision d'interdire la circulation sur les berges de Seine, il ne la comprend pas. Là, on le voit, les gens sont rentrés et toutes les rues sont toutes bloquées parce que bon, les gens essayent de trouver d'autres itinéraires. Donc c'est plus embouteillé qu'avant et je pense que cet embouteillage donne plus de pollution que de rouler. Et après un mois de Paris-Plage, Ricardo, serveur dans un café, aurait souhaité que les véhicules cessent d'emprunter cette route au-dessus du quai. D'avoir des voitures tout le temps ouais, ça gêne au bout d'un moment. On s'en rend compte quand on fait les tables. Son chiffon de nettoyage en est noir, mais la mairie de Paris en est sûre. Cette fermeture sera bénéfique pour la ville. Christophe Teljowski est chargé des transports. Lorsque l'on piétonnise des axes, il y a une diminution de la demande automobile. Il y a donc une adaptation au niveau des comportements qui fait qu'il n'y a pas des reports à 100%. Les automobilistes devront s'adapter. L'interdiction sera votée le 26 septembre au Conseil de Paris. Le reportage ce matin dans les rues de Paris de Jacques Serey. La politique ce dimanche, toujours dans le journal du dimanche, la stratégie Macron qui veut séduire et qui s'en prend sérieusement à Nicolas Sarkozy. Il a une vision rabougrie de la France, dit-il. Il n'épargne pas non plus François Hollande qui a fait les choses à moitié selon Emmanuel Macron. François Hollande justement qui est arrivé en Chine tôt ce matin, il participe à son dernier G20 du quinquennat et à son arrivée, le président de la République a détaillé les grandes lignes du sommet. Faire en sorte que nous puissions, dans la lutte contre le terrorisme, éviter que les trous dans le système financier puissent offrir des occasions à ceux qui alimentent le terrorisme par toutes sortes de trafics, puissent justement leur permettre de faire leurs bases œuvres, c'est-à-dire organiser à l'échelle du monde des actions terroristes. La priorité, c'est la lutte contre les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale. Voilà, et François Hollande qui donnait une autre mesure. Il souhaite la création d'une obligation verte pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Scrutin capital ce dimanche, direction l'Allemagne. Ce matin, précision à l'est de l'Allemagne, proche de la frontière polonaise. Élection régionale dans le land de Mecklembourg, le land historique d'Angela Merkel. C'est là que la chancelière allemande a débuté sa carrière politique. Et c'est là que l'extrême droite pourra faire une percée historique, Adeline Percept. Il y a encore quelques années, la montée du Front National en France intriguait les Allemands, très loin alors de connaître le même phénomène. Cette époque est bel et bien terminée, en témoignent ces élections dans le Mecklembourg. Crédité de 23%, le parti anti-migrant AfD, qui n'existait pas il y a 4 ans, pourrait passer devant la CDU d'Angela Merkel. Pendant toute la campagne, l'AfD a réussi à imposer son thème de prédilection, la politique d'accueil des réfugiés. Une question qui a éclipsé toutes les autres. Pour Angela Merkel, qui a fait ses armes politiques dans cette région, c'est un scrutin test, un an jour pour jour, après son discours historique sur l'accueil généreux qu'elle a décidé d'offrir aux réfugiés syriens et irakiens. Les précisions d'Adeline Percept, la correspondante d'RMC en Allemagne. 100 000 personnes sur la place Saint-Pierre, au Vatican, 100 000 fidèles pour assister ce dimanche à la cérémonie de canonisation de la Dame des bidonvilles de Calcutta, Mère Teresa, qui, grâce à deux miracles et à son engagement auprès des plus pauvres en Inde principalement, va donc devenir sainte, et c'est mérité pour l'historien des religions Jean-François Colosimo. Mère Teresa, c'est une femme de toutes les marges. C'est une sœur qui va fonder un ordre qui n'existe pas. Elle choisit un pays, l'Inde, qui à ce moment-là est à la périphérie du monde. Et puis, elle s'adresse aux mourants, à ces intouchables d'Inde qui sont abandonnés à une terrible agonie. Elle va ainsi de marge en marge et elle nous dit que finalement, le centre du monde, ce sont ces marges dans lesquelles peuvent s'accomplir en fait le devoir de fraternité humaine. Il est 9h06 sur RMC. Le football et l'équipe de France qui testait sa popularité hier à Clairefontaine. Entraînement ouvert au public. Et c'est une certitude, il est loin le temps de Nice-Na, ovation, selfie, autographe. Les supporters aiment leur équipe. Il va être très bonne ambiance, proche du public, on les sent motivés, donc ça fait plaisir. Donc on a vibré pendant l'Euro 2016, et là bah, c'est un rêve qui se réalise, de les toucher, de leur parler, ils ont été hyper accessibles. Toujours très sympa. À l'écoute des supporters, là ils ont pris 20 minutes de leur temps, on a réussi à en faire au moins une quinzaine facile, et super disponible, franchement génial. Et le prochain rendez-vous des Bleus, c'est mardi. Premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Ce sera face à la Biélorussie. Le rugby, troisième journée de top 14. Et des invités surprises en haut du classement. La Rochelle et Brive, vainqueurs de Castres et Toulon hier. Toulouse peut repasser devant aujourd'hui face au Racing. Toulouse, où Johan Huget, blessé il y a un an, fait son grand retour aujourd'hui. Je crois que j'ai mis 6 mois avant de retourner dans un stade. Et c'est difficile à retourner dans un stade, avoir les copains jouer et se dire qu'on n'était pas prêt de jouer avant 3-4 mois. Puis surtout, chaque étape dans la rééducation est une torture. Apprendre à marcher, on ne peut pas marcher plus d'un quart d'heure parce qu'on a le genou qui commence à gonfler. Chaque étape est une souffrance en fait. On se raccroche au week-end quand on voit les copains jouer et qu'en fait on s'aperçoit que c'est vraiment au-delà de notre métier, notre passion. Et puis la Formule 1, 14h sur RMC aujourd'hui, le départ du Grand Prix d'Italie. Lewis Hamilton en pole position, mais dans le paddock. C'est un jeune pilote qui fait parler, Max Verstappen, vraisemblablement un danger public, Louis Aymar. La scène remonte à la semaine dernière en Belgique. Kimi Raikkonen tente de dépasser Max Verstappen, mais le Néerlandais change de trajectoire brutalement. Son adversaire se plaint, la direction de course ne sanctionne pas et l'agacement gagne le paddock. Devant les micros, personne ne se risque vraiment à dire du mal du jeune homme, mais loin d'eux, beaucoup dénoncent un traitement de faveur. Franck Montagny est un ancien pilote et lui le défend. On est en Formule 1, on n'est pas dans une cour de récréation. S'il y a un problème, on passe pas par la maîtresse. Si un Raikkonen se plaint comme ça d'un Verstappen, quand il le double, il lui met un coup de roue et puis ça sera fini quoi. Agressif aussi hors de la piste, le pilote Red Bull sait lutter avec les mots. L'ancien champion du monde Jacques Villeneuve craignait en Belgique qu'il ne finisse par tuer quelqu'un. Réponse il y a deux jours, Villeneuve devrait faire attention à ce qu'il dit parce que lui a déjà tué quelqu'un. Référence à un Grand Prix en 2001 où une roue s'était détachée de sa monoplace et avait mortellement heurté un commissaire de piste. Voilà donc pour le Silverstappen, à la limite, toujours. Il est 9h09 sur RMC. On termine par les courses, François Sorel. Avec un tiers écarté, quintet plus à... Cran. Exactement. Sébastien Darras fait confiance au 15 Uniflosabella et au 11 Akido. Brahim Asloum pense que le 5 Vanderlove a ses chances pour cet après-midi. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 17 Tagada Tagada, le préféré de Jean-Luc. Et le 9 Univers de Dédou. Le 15, le 11, le 5, le 17 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 8h-10h. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le retour du week-end des experts. L'automobile, deuxième partie, nous sommes ensemble jusqu'à 10h et puis à partir de 10h, votre matinée sur RMC, ce sera en compagnie des GG du sport, Serge Simon, Christophe Cessieux, comme chaque samedi dimanche. Jean-Luc Moreau, tout à l'heure on va parler d'élégance automobile. Oui, voilà. On va parler. Et nous irons à Chantilly. Exactement, où aura lieu aujourd'hui le concours d'élégance, n'est-ce pas? Et c'est normal qu'à Chantilly, il y ait la crème des voitures. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait normal. Et puis on s'intéressera tout à l'heure à l'actualité de la semaine avec automoto.com. On aura Andy David avec nous qui sera en studio. Voilà. Mais pour débuter, on va parler du contrôle technique pollution. Et vous le savez, RMC, dans ce rendez-vous auto, est toujours au cœur de l'actualité. Mais complètement, on est vraiment au cœur, puisque une expérimentation dans une petite vingtaine de centres de contrôle technique auto a débuté le 1er septembre. Donc vous voyez, c'est vraiment tout récent. Et quel est le but? Eh bien, c'est d'expérimenter ce qui sera le futur contrôle technique anti-pollution des véhicules à partir de 2019. Voilà, du 1er janvier. Vous avez hésité là. Oui, oui, parce qu'en fait, ça a été repoussé. Voyez, donc c'est vrai que le calendrier tel qu'il était fait au départ, eh bien, on va mesurer réellement. C'est-à-dire que quand on va passer notre contrôle technique, comme on le passe aujourd'hui, on aura une batterie de tests supplémentaires. On vous mettra une sonde dans l'échappement, enfin à votre voiture plutôt, et on mesurera 5 gaz. Vous allez mettre où la sonde? Qu'est-ce que vous racontez? Dans le nez, par exemple. Allez-y, enchaînez. Donc, on mesurera les gaz d'échappement. D'accord. Et on verra s'il y a des dérives. C'est l'idée. Alors, pourquoi est-ce que on va modifier le contrôle de la pollution sur les voitures? Parce que jusqu'à présent, les modèles essence étaient plutôt bien testés et les modèles diesel avaient un contrôle qui date de la dernière guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle un contrôle d'opacité des fumées fait avec un opacimètre. Et en gros, fallait vraiment, je le dis souvent dans cette émission, fallait vraiment une machine à vapeur pour être recalé à l'opacimètre. Ça va changer. Donc, on va avoir ce nouveau contrôle technique. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place un nouveau contrôle technique? Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que les diesels mal utilisés, puisqu'on a vendu du diesel à tout le monde pour tous les usages et que, on va dire qu'il y a que 30% des gens qui ont des diesels qui en ont réellement besoin, et les 70% qui restent, l'utilisent mal, ils font des petits trajets, ils font des trajets à froid, ils font de la ville, ils font des embouteillages, donc les moteurs s'encrassent, et quand un moteur s'encrasse, il pollue. Alors, on parle souvent des produits qui permettent de décrasser justement ces diesels encrassés. On a évoqué plusieurs fois Sphertech qui fait des produits professionnels mais qui sont accessibles au grand public. Et en fait, c'est la démarche inverse. Ces produits Sphertech, on a avec nous le directeur général de Sphertech, David de Regnaucourt. Bonjour David. Bonjour. Alors bonjour. En fait, vous avez mis au point, on va expliquer pourquoi vous êtes là, les produits dont on parle de temps en temps pour apporter des solutions à nos auditeurs, vous les avez mis au point après avoir mis au point le diagnostic qui sert de base au futur contrôle technique, c'est ça? Exactement. En fait, on est un peu les précurseurs de la mesure 5 gaz sur les moteurs essence et surtout diesel. Donc ça fait 18 ans qu'on mesure les véhicules et on s'est rendu compte avec le temps que 73% des moteurs souffrent en silence. C'est-à-dire que... Ils sont encrassés, quoi. Ben voilà, on a des dérives, on dépiste des maladies qui sont devenues maintenant chroniques sur le diesel, avec des problèmes d'injecteurs, des problèmes de filtres à particules, de vannes EGR. Et du coup, on a pu, en fonction de ces mesures, calibrer, j'ai envie de dire, après la prise de sang, le médicament, en quelque sorte. C'est ça. C'est devenu l'analyse 5 gaz est devenu un véritable juge de paix. Alors, l'analyse 5 gaz, c'est bien ce qu'il y aura au futur contrôle technique et ce qui est déjà en test actuellement. Alors, on va analyser quoi et ça donne quoi comme type de résultat? Eh bien, disons que c'est vrai que le diesel était l'oublié de la mesure de gaz. Hein, c'est complètement incroyable. Alors, pour le consommateur, ça va pas... Visuellement, ça va ressembler à ce qu'on fait actuellement. On met toujours une sonde dans l'échappement. Mais tout le monde pense que, depuis des années, on mesure correctement la pollution des diesels. Or, effectivement, on a jamais mesuré véritablement les gaz. Aujourd'hui, en mesurant ces gaz d'échappement, on va être capable de voir un véhicule qui a une dérive. Alors, le consommateur, l'automobiliste, doit pas imaginer que pollution sanction. C'est vrai qu'on a, pendant des années, les gens disent « Ah, je pollue dans mon coin, je le dis à personne. » Ma voiture, elle fume noire, mais j'en parle pas. Voilà. Et toujours pour l'aspect économique, et on peut le comprendre. Là, l'intérêt de ce test, c'est que c'est un véritable dépistage. À savoir... Oui, c'est la prise de sang. On va reprendre l'image, c'est très clair. Quand vous allez faire une prise de sang, c'est pas forcément derrière qu'on va vous empêcher de manger de la côte de bœuf, par exemple, voilà. Pas tout de suite. Donc, on va vous dire faut en manger un petit peu moins. Ou arrêter de manger le gras autour de la côte de bœuf. C'est surtout ça le problème. Ou que le gras de la côte de bœuf. Voilà, c'est ça. Donc là, une voiture, par exemple, qui passerait sur ce type de contrôle, si on relève, je donne un exemple, un taux de NOx, d'oxyde d'azote, trop important au ralenti, sur le coup, effectivement, on peut se dire mince, elle pollue. Mais en réalité, c'est le signe c'est un des signes d'une mauvaise pulvérisation d'injecteur. Donc pour le consommateur, c'est très important de le savoir, parce que à ce stade, si c'est dépisté, c'est moins de 100 euros pour résoudre le problème. Si c'est pas dépisté, c'est une panne d'injecteur qui peut coûter 450 euros par injecteur x 4 plus la main d'œuvre. Donc on en arrive vite à des sommes. Ou des dérives telles que j'entends souvent le dimanche matin, vos auditeurs qui changent les turbos, qui changent les vannes EGR encrassées, les fables bouchées, etc., etc. Voilà. Alors, ça permettra aussi de déceler les petits malins qui font des modifications sur leur moteur diesel pour éviter de tomber en panne. Je pense à la suppression du filtre à particules, par exemple, ou la neutralisation de la vanne EGR. Tout à fait. Alors, ce qui est incroyable, c'est que finalement, il y a vraiment des petits malins qui savent qu'aujourd'hui, au contrôle technique, on ne voit pas ces dérives. Oui, puisqu'on mesure pas réellement la pollution. Donc, on peut arriver avec un véhicule modifié, avec des systèmes de dépollution neutralisés, et le contrôle technique ne voit rien. Voilà. Donc, la loi de transition énergétique, l'article 65, qui a été voté, finalement, c'est fait en sorte que le contrôle technique français, c'est pas qu'il risque de devenir le plus la référence européenne, c'est sûr, ça va devenir une référence européenne. D'accord. Alors, vous dites, on va mesurer une pollution, on va voir les dérives fonctionnelles des véhicules. Le concessionnaire, ça, il peut pas le voir quand vous emmenez votre voiture en révision. Eh bien non, parce qu'en fait, il peut le voir, mais depuis des années, avec l'électronique qui est embarqué sur les voitures, finalement on a oublié qu'un moteur était une machine thermique. Donc on chasse le code défaut électrique avec les fameuses valises. Ouais. Et les valises sont malheureusement aveugles quelquefois sur des pannes d'ordre mécanique. Ah oui. Donc voilà. Finalement on change des pièces un peu au hasard, quoi, même parfois. C'est-à-dire que souvent un code défaut électronique ne révèle pas la cause, mais souvent la conséquence d'un problème. Alors que l'analyse de combustion, elle révèle l'âme, si je puis dire, du moteur. D'accord. Alors on a avec nous aussi Geoffrey Michalak, qui est directeur technique de DECRA. Donc DECRA, c'est du contrôle technique. Oui. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez 4 centres, c'est ça, en France, qui ont débuté cette semaine ces fameux contrôles 5 gaz? Oui, tout à fait. Parmi les 17 centres testeurs, 4 centres sont rattachés à notre réseau. Et ont donc démarré cette expérimentation depuis jeudi. D'accord. Comment ça se passe avec les clients? Est-ce que ça les étonne qu'on fasse ce contrôle 5 gaz sur leur voiture? Alors, c'est assez difficile. On commence tout juste, donc je pense qu'on aura un meilleur ressenti des clients dans quelques semaines. Néanmoins, compte tenu de l'importance du sujet lié à la pollution atmosphérique, c'est quelque chose qui est aujourd'hui plutôt bienvenu et en tout cas qui n'étonne pas énormément les gens. Par contre, les questions qui se posent, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on faisait avant, comment est-ce qu'on mesure. On a beaucoup entendu parler des problèmes d'homologation des véhicules ces derniers mois. Donc le but, c'est un petit peu de comprendre le lien entre... ces règles d'homologation, comment on contrôle un véhicule en circulation, etc. David Geoffrey, vous restez avec nous, 9h19, on revient dans un instant. On évoque donc ces fameuses... ces fameux contrôles de pollution nouveaux qui arrivent petit à petit avec nos invités. À tout de suite, si vous voulez réagir sur ce sujet, n'hésitez pas. Le 3216 ou auto@rmc.fr. Le week-end des experts sur RMC, votre auto. Intermarché s'engage. Le raisin noir muscat, origine France, le moins cher de France, est à 2,09€ le kilo. Oui, 2,09€ le kilo de raisin, origine France. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété muscat de Hambo, catégorie 1. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Vois modalité sur intermarché.com. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. À l'occasion de la rentrée des classes, achetez un pot de Nutella et recevez 8 étiquettes personnalisées pour vos enfants. Emma, Enzo, Chloé, Nathan. Alors rendez-vous en magasin. Offre valable jusqu'au 30 septembre sur les pots porteurs de l'offre, voire conditions sur Nutella.com. Nutella réveille notre enthousiasme. Pour votre santé, bougez plus. RMC, le week-end des experts. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Et Et oui, le contrôle technique automobile va évoluer. Si vous venez de nous rejoindre, on en parle ce matin avec Jean-Luc Moreau et nos invités. On va maintenant contrôler la pollution de vos véhicules. On va contrôler la pollution des diesels, ce qu'on faisait pas jusqu'à présent. Donc c'est dingue, ça, quand même. Oui, oui, bah oui, ça paraît étonnant. Là, on pouvait sortir d'un contrôle technique en étant OK. Il y avait, le chiffre exact. Avec la fumée d'un barbecue à l'arrière. Exactement. C'était moins de 1% de diesel recalé au contrôle technique pour pollution. Alors que David vient de nous dire qu'il y avait 73%. C'est ça, des diesels qui ont au moins une dérive fonctionnelle. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que 73% des gens seront recalés au futur contrôle technique. Hein. D'accord. Heureusement, on va parler après des seuils. Geoffrey, comment ça se passe ce nouveau contrôle technique? Finalement, ça se passe assez simplement, puisque là, en l'occurrence, les matériels testés sont des matériels finalement assez semblables au matériel qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on introduit une sonde dans le pot d'échappement du véhicule, voilà. On utilise également un lecteur qu'on appelle lecteur OBD qu'on branche sur la prise diagnostique du véhicule, mais ce qu'on faisait déjà aussi. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on va mesurer et on va contrôler avec ces appareils des choses qu'on ne contrôlait pas jusqu'à présent. D'accord. En particulier sur les véhicules diesel, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne regardait que l'opacité de la fumée. Donc on va dire la noirceur du nuage, le charbon qui sortait de l'échappement, voilà. Et aujourd'hui, c'est en plus d'avoir à terme un contrôle de cette opacité qui soit plus fin, c'est d'ajouter un contrôle des différents gaz qui sont émis par le moteur, un petit peu comme on le fait déjà sur les véhicules essence. Alors, pendant la phase de test, qu'est-ce que vous faites les gens qui passent avec leur voiture, vous leur donnez un compte-rendu du contrôle ou ça reste confidentiel? Alors, aujourd'hui, on nous a demandé d'informer la clientèle sur le test qui est actuellement mené. Ensuite, aujourd'hui, il est difficile de dire aux clients « votre véhicule, il est bon ou mauvais ». On est dans une phase expérimentale qui va permettre de définir des seuils et des valeurs limites pour chaque véhicule. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, le but n'est pas de dire au client, votre véhicule, pour nous, il pollue beaucoup, peu. Ou... Le but, c'est plutôt de collecter des données qui ensuite vont être transmises au ministère et à l'UTAC, qui eux, vont analyser ces données pour ensuite trouver des procédures de test normalisées et des seuils limites à ne pas dépasser. D'accord. Les gens aujourd'hui qui passent ce contrôle expérimental, vous leur faites pas payer cette analyse de gaz en fait. C'est gratuit. Non, c'est complètement gratuit. C'est effectivement complémentaire au contrôle technique habituel du véhicule. C'est-à-dire que nous, on fait un contrôle technique comme c'est fait habituellement, avec son contrôle pollution habituel. Et en plus, on ajoute ce contrôle expérimental, ce qui va aussi permettre de comparer cette nouvelle méthode à l'ancienne méthode. Et donc de collecter ces données. Mais non, il n'y a pas du tout de frais pour l'usager, bien évidemment. Et qui permettra, David, au vu de ces résultats, de dire si les véhicules ont un problème fonctionnel ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, là, c'est un diagnostic gratuit qu'on leur fait en ce moment. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir un retour sur ça? C'est vous qui analysez les données, c'est ça? Nous, on les analyse. Bon, aujourd'hui, c'est des travaux qui sont menés, donc il n'y a pas de communication. Maintenant, si des gens ont des questions, ils peuvent toujours nous en poser sur notre site. Oui, puisque vous vendez les produits pour décrasser derrière. Donc. Mais aujourd'hui, voilà. Alors, comment ça va se passer l'acceptabilité des valeurs plus tard? Comment vous allez déterminer les seuils et comment ça se présentera pour monsieur tout le monde qui passera le contrôle technique? On aura un carton rouge, un carton orange, un carton vert. Comment ça va se passer? Ça ressemblera à ce qui est fait aujourd'hui en essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taux à ne pas dépasser. Donc, dès l'instant où on dépasse ce taux, le contrôle technique est refusé. Là, ce sera la même chose. Dès l'instant où l'UTAC aura défini les valeurs limites acceptables, un véhicule aura une analyse un peu plus fournie, parce qu'en diesel, on est sur 5 gaz. Aujourd'hui, en essence, on ne relève que 4. Voilà. Et puis en plus, dans les 4, il n'y a que le CO qui est regardé. Mmh. Donc, on n'en regarde qu'un sur 4 mesurés. C'est un peu dommage. Là, ce serait un peu plus fourni et effectivement, ça aidera également la profession des garagistes à pouvoir mieux entretenir ou mieux cerner les problèmes des véhicules. Ça va permettre de faire ce qu'on appelle de l'éco-entretien derrière, qui est aujourd'hui quelque chose pratiquement inexistant, en tout cas dans les réseaux des constructeurs. clairement, l'éco-entretien est une démarche qui a été initiée, qui a reçu le prix de l'innovation en 2013. Hein, on a soutenu, on a créé cette démarche. Ça permet c'est un peu une maintenance revisitée qui tient compte de la dépollution des voitures, de la technicité des voitures d'aujourd'hui, qui permet de, à la fois, éviter les grosses dépenses et en même temps d'être écologique. Alors, toutes les voitures devront passer ce contrôle anti-pollution, mais il y en a certaines qui peuvent pas le passer. Il y a des véhicules, on a eu déjà l'exemple d'auditeurs qui ont appelé en disant, moi j'ai voulu faire un contrôle pollution, parce qu'on peut d'ores et déjà faire des contrôles un peu similaires. Mm-hmm. Il y a des réseaux, il y a des grandes enseignes automobiles qui proposent déjà des contrôles pollution à peu près équivalents à ce qui se fera lors du futur contrôle technique, et qui ont voulu y aller pour connaître l'état de santé de leur voiture, et on n'a pas pu leur donner de résultats parce que on ne peut pas accélérer le moteur du véhicule si la voiture est à l'arrêt. Oui, il y a des véhicules effectivement qui sont bridés à 3000 tours ou à 2500 tours, et du coup ça pose déjà un problème actuellement avec même le contrôle actuel, hein, l'opacimètre, hein. On peut pas accélérer certaines voitures, et c'est vrai que c'est un souci. Il y a des techniques pour pouvoir désactiver cette fonction et pouvoir le faire, mais le contrôle technique n'est pas autorisé à le faire. Donc, d'accord, donc il y a des voitures qu'on ne peut pas mesurer parce que le constructeur a décidé qu'on n'allait pas les mesurer. Ben, ils invoquent des raisons de sécurité. Oui, alors c'est beaucoup c'est des en accélérant. C'est beaucoup des Volkswagen en particulier. Tiens, ouais, c'est marrant. Hein. Bah non. Bah tiens, c'est bizarre. Bah ouais. Mais si on revient dans un instant, encore quelques petites questions sur ce sujet. On en parle au 3216 auto@rmc.fr. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures donc qui vont mesurer la pollution des diesels? 3216 ou auto@rmc.fr. Météo info. On est de retour. À tout de suite sur RMC. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Bonjour, c'est Roselyne Bachelot. Demain, je vous retrouve sur RMC avec plaisir dès 15h pour 100% Bachelot. Nous évoquerons un sujet fort d'actualité. Ensemble, nous en débattrons et nous chercherons des solutions. Opinion, conviction, solution, c'est 100% Bachelot. Je compte sur vous demain dès 15h sur RMC. Roselyne Bachelot, demain à 15h dans 100% Bachelot sur RMC. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Et si on parlait Renault Service? Ah, Natacha, c'est pas de chance ce pneu crevé. Hein. En pleine campagne en plus. Heureusement, il y a une jolie petite auberge là-bas. Pipo, pardon. Bien essayé, le coup du pneu crevé, mais chez Renault Service, avec votre révision, vous avez un pack assistance inclus pendant un an. Ah, super. Une crevaison ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akhena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhena? Chez vous, bien sûr. Akhena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhena. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akhena, la reine des vérandas. Un coup d'œil sur la météo de ce dimanche sur RMC avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Dimanche nuageux, de la pluie, du vent et baisse des températures dans le nord. L'amélioration c'est pour mardi. En attendant, ce matin, toute la partie nord du pays se réveille sous la grisaille. Il pleut légèrement en Ile-de-France, mais c'est surtout à l'est du bassin parisien, jusqu'en Alsace, que les pluies sont les plus intenses. Exemple à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, il pleut en ce moment et ces pluies orageuses vont s'intensifier au cours de la journée pour gagner la Franche-Comté. En Bretagne, en Normandie, quelques plus faibles ce matin, des nuages toute l'après-midi et du vent, surtout du vent sur les côtes de la Manche jusqu'au Pas-de-Calais, du vent d'ouest à 70 km/h. Ailleurs, le ciel restera voilé toute la journée, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera lumineux mais un peu laiteux, et sur le pourtour méditerranéen également, le ciel ne sera pas totalement bleu azur. Les températures nettement en baisse au nord mais toujours élevées au sud. Ce matin, le thermomètre affiche 14 degrés à Strasbourg, 17 à Rouen, 19 à Orléans, 16 à Bordeaux et 22 à Nice, et cet après-midi, il fera 21 degrés à Lille, 18 degrés du côté de en Seine-Maritime, 23 à Paris et puis dans le sud, 33 à Toulouse, 33 à Marseille et jusqu'à 36 degrés par endroit en Provence. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. RMC, il est pile 9h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy a une vision rabougrie de la France. François Hollande n'a fait que le travail à moitié. Dans le journal du dimanche, ce matin, Emmanuel Macron n'épargne quasiment personne. Le ministre démissionnaire, qui ne se déclare pas candidat à la présidentielle, mais qui dévoile sa stratégie, première étape, susciter l'envie. La politique, c'est aussi le parti Les Républicains qui clôt son campus d'été. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy au pupitre à la Baule. Discours de clôture après ceux de presque tous les candidats à la primaire hier. Prise de parole où il s'agissait avant tout d'apaiser. François Hollande est arrivé tôt ce matin en Chine, dernier sommet du G20 de son quinquennat. De grandes ambitions pour le président français. Intensifier la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption. Il sera également beaucoup question d'écologie. François Hollande veut créer des obligations vertes pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est également une information du journal du dimanche ce matin. Les voies sur berge à Paris, c'est semble-t-il terminé pour les automobilistes. C'est ce que dit la maire Anne Hidalgo qui va profiter de la fin de Paris-Plage aujourd'hui pour ne pas réouvrir les berges à la circulation. La sainte des bidonvilles de Calcutta, c'est l'un de ses surnoms. Mère Teresa sera canonisée aujourd'hui. 100 000 personnes attendues pour l'occasion sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le sport, le rugby, troisième journée de top 14 ce week-end. Brive et La Rochelle en tête du classement. Ils ont battu Toulon et Castres hier. Des victoires pour Pau et pour Lyon. Match nul entre le Stade français et Clermont. Et puis rendez-vous Formule 1 aujourd'hui sur RMC 14h. Le départ du Grand Prix d'Italie avec Lewis Hamilton en pole position. 9h31 sur RMC. Jean-Luc Moreau, François Sorel. Messieurs, votre tour. Merci beaucoup Thomas Chupin. On se retrouve avec plaisir le week-end prochain. À la semaine prochaine, bien sûr. Et on poursuit ce rendez-vous auto avec Jean-Luc. Et vos questions auto au 32-16. On évoque ce matin le nouveau contrôle technique pollution qui va justement scruter la santé de votre diesel. A tout de suite. RMC. Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 32-16. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel. Attention Jean-Luc Moreau, une petite question flash. Ah, vous avez sorti le gros klaxon, ça m'étonne pas. Nous allons parler maintenant d'une Golf 7 TSI 127 chevaux. Ouais, 125. Qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle? C'est une Volkswagen. C'est vrai, voilà. C'est ça. Et puis en plus, elle est disponible dans plusieurs couleurs. Ah, ça c'est bien. Ouais, ça, c'est est-ce qu'elle a un volant? Parce que c'est la question qui revient régulièrement. Bah oui. Livré en série même. Ah, ça, livré en série. Ils sont forts quand même chez Renault. Un peu plus sérieux. Quitte à vouloir acheter, alors c'est très bien une Golf 7 essence, un litre 4 TSI, mais quitte à acheter cette Golf, il y a un modèle, moi, que je trouve actuellement le plus intéressant en termes de modèle essence sur le marché, c'est la version multi-fuel. Qu'est-ce qu'elle a comme différence? Un tout petit peu plus cher. Il y a pas grand chose. Il y a 500 euros d'écart. Sauf que multi-fuel, ça veut dire que vous pouvez rouler avec plein de fuels différents. Attention, prenez pas le fuel de votre chaudière pour mettre dedans. Non, non, elle peut rouler à l'essence, elle peut rouler à l'éthanol, au super-éthanol E85. Quel intérêt de rouler au super-éthanol E85? Eh bien, il coûte 61 centimes à la pompe, c'est-à-dire moitié moins cher que le super samplon 95. Et en plus, cette Golf qui a été très bien étudiée dès le départ par le constructeur a une consommation à l'éthanol qui est extrêmement raisonnable. D'accord. En consommation réelle, on est aux alentours de 7 litres au 100 avec un carburant moitié moins cher. C'est-à-dire qu'on consomme à peine plus à l'éthanol d'un carburant deux fois moins cher. Oui. Et aujourd'hui, il y a pas loin de 800 pompes en France d'éthanol. Donc c'est réellement la meilleure affaire du moment et déjà depuis un an, c'est la meilleure affaire en matière de véhicule essence, en fait, cette Golf. D'accord. Et puis, c'est une Golf qui passe tous les tests. Golf. Voilà. Les tests anti-pollution. Alors là, pour le coup, c'est le cas. Hein, celle-là, elle est bien. C'est un bon élève. Hein, on a bien compris. Exactement. 32-16 pour toutes vos questions auto. On vous attend sur RMC. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, le week-end des experts. 8h-10h. Votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Merci d'être avec nous et un bonjour à vous toutes et à vous tous si vous venez de nous rejoindre sur RMC. Jusqu'à 10h, c'est le week-end des experts, c'est l'automobile, 2 heures dédiées à l'auto, vous le savez, 8-10, tous les dimanches avec Jean-Luc Moreau, nos invités. On évoque ce matin le contrôle technique pollution, qu'est-ce qui va changer? Pas mal de choses, on est en train de le découvrir avec nos invités, Geoffrey Michelac, directeur technique de Decra. Et nous avons aussi David Dérignaucourt, qui est là, directeur général de Sphertech, et Bernard, qui nous attend au 32-16, qui nous a appelé. Oui. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Jean-Luc et François. Bonjour. Merci pour votre émission. Voilà. Alors, moi, mon souci, c'est que j'ai des diesels qui sont anciens. Et récemment, suite à une visite chez un garagiste, il m'a proposé de faire un entretien à l'hydrogène actif, je crois que c'est. Et c'est un procédé qui permettrait, soi-disant, de nettoyer un peu tous les éléments de la voiture, le turbo, les pompes à injection, les injecteurs, etc. Non, non, alors vous pouvez pas nettoyer ni les pompes d'injection, ni les injecteurs, puisqu'il est envoyé dans l'admission, l'hydrogène. Donc déjà... s'il vous a vendu ça comme ça, il y a un mensonge. Alors, dire que le traitement à l'hydrogène n'est pas efficace, c'est pas tout à fait vrai. Ça peut décrasser un petit peu, mais moi, j'ai une image qui est assez bonne. C'est un peu comme si on traitait un cancer de la gorge avec une fumigation. C'est pas fatalement efficace, vous voyez? Hein, on est un petit peu là. Il y a des produits beaucoup plus violents. Ah, vous avez la chimiothérapie et... Cela dit, il y a bien des suppositoires qui soignent les maux de tête, hein, Jean-Luc. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Mais notamment pour les enfants. Exactement. Oui. Mais faut les mettre la tête en bas pour que le suppositoire aille faire effet assez rapidement. Alors bon, David, vous fabriquez pas des suppositoires, mais vous fabriquez des produits justement pour nettoyer les moteurs. L'hydrogène. Est-ce que j'ai raison ou pas en disant que finalement ça peut pas empirer un état d'encrassement important, mais c'est pas une solution miracle. Non, il n'y a pas qu'un problème. Quand on regarde un moteur, il faut faire justement de la chimio, c'est-à-dire qu'il y a des causes, il y a des conséquences. Ouais. Et il y a plusieurs types de maladies. Quand on a, ça commence souvent par la pulvérisation de l'injecteur. Le problème peut se résoudre en passant par le gasoil, pas en passant par l'air, par l'admission d'air, ce qui est le cas d'hydrogène. Mmh. Donc déjà, on traite pas les injecteurs. Donc on traite pas ce qui est généralement la source de tous les maux, l'encrassement du FAP, l'encrassement de l'EGR, tout ça au départ, c'est une mauvaise pulvérisation des injecteurs. Voilà, il y a une cause. Donc ça c'est par exemple, il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs remèdes ciblés. Il y a pas une solution unique qui fait que voilà une inhalation qui ferait que on nettoie tout du sol au plafond. Les turbos par exemple ou les filtres à particules, il faut créer une oxydation. L'envoi d'hydrogène pour les meilleurs systèmes c'est de l'hydrogène, ça fait augmenter la température de 30 degrés, mais c'est pas ça qu'il faut pour pouvoir oxyder les particules. Donc il y aurait pas de problème de particules si le problème se jouait à 30 degrés près. Donc non c'est Alors on va faire un petit cocorico quand même, parce que Sphertec c'est une société française, et le nouveau contrôle technique 5 gaz que vous avez mis au point, c'est une exclusivité mondiale. On va être les premiers pour une fois en France à faire quelque chose d'un petit peu écologique et avant tout le monde. C'est vrai. Cela dit, la France est le pays du diesel, donc on en avait vraiment besoin. On avait besoin chez nous. Disons que l'innovation, c'est un facteur de croissance. Bon, pendant longtemps, c'était un facteur de dépense avant d'être plus ou moins reconnu. C'est tout le problème. C'est vrai que sur le plan même européen, nos amis allemands s'intéressent du coup aux travaux qu'on a pu mener par la contribution de toutes les données depuis 18 ans qu'on a pu amener au ministère. Et c'est vrai que sur le plan européen, les pays regardent ce que la France est en train de faire, et c'est vrai qu'on est en train d'être leader sur la question. C'est très bien. Vous travaillez en étroite collaboration. Tout à l'heure, on a parlé du ministère de l'Environnement. Mmh. On a parlé également de l'UTAC. En fait, vous êtes, vous travaillez tous ensemble pour mettre au point ces futurs seuils. Ben oui, c'est-à-dire que les équipementiers n'avaient pas vraiment travaillé le sujet, puisqu'en fait, souvent, les équipementiers font évoluer le matériel en fonction des normes. Donc c'est un peu le chat qui mord sa queue, c'est que si on fait pas bouger la norme, l'équipementier travaille pas sur le sujet. Nous on avait développé ça depuis 18 ans dans un esprit de faire du diagnostic des moteurs, puisque Lavoisier avait dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc la combustion révèle l'état de santé d'un moteur. Et au bout du compte, quand on en arrive à faire cette loi, c'est intéressant d'avoir des gens comme nous qui avons pendant 18 ans travaillé le sujet. On est capable de ressortir la mesure d'une Fuego de François, une Euro 1, une Euro 2, enfin des voitures. Justement, les résultats, on a toujours Geoffrey Michalak avec nous. Geoffrey, est-ce que vous avez une idée? Il y a quelques voitures qui sont déjà passées. Les résultats globalement, c'est catastrophique, c'est bon, c'est quoi? Globalement, c'est relativement différent d'un véhicule à l'autre. Maintenant, encore une fois, dire que les résultats sont bons ou mauvais, on a un petit peu du mal à les comparer par rapport à une norme établie, hein, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des différences notables entre les véhicules. D'accord, donc de toute évidence, ces tests vont permettre de déceler certaines choses. encore une fois, ensuite, le but n'est pas forcément de dire ce véhicule, il est recalé au contrôle technique et il va devoir faire des milliers d'euros de réparation. Le but, c'est bien de venir le plus en amont possible sur les différents problèmes pour pouvoir effectuer les petites réparations qui vont remettre le véhicule en ordre plutôt que les grosses réparations parce qu'on n'aura pas détecté le problème. Ouais. Une dernière question, David de Ragnoucourt. Avec tout ce qui se passe en ce moment, le Dieselgate, vous n'avez pas peur que des diesels même neufs ne passent pas ce contrôle technique pollution ? Non, clairement non. Le souci, c'est toujours l'usage. Vous en parlez souvent dans vos émissions. C'est vrai qu'un véhicule qui ferait que de la ville, des petits parcours, a plutôt tendance à avoir, on va dire, une mauvaise note. Mais de toute façon, il passera sans problème, sans aucun problème. Tiens, dernière petite question. Quid des... Alors, c'est un auditeur qui nous envoie cette question. C'est Jean-François. Quid des contrôles de pollution des camions routiers, particulièrement de certains pays étrangers qui traversent notre pays. Est-ce que ces camions sont de la même manière contrôlés au niveau des émissions de pollution ? Alors, normalement, il y a des contrôles pollution qui sont assez stricts sur les camions. Le problème, c'est qu'il y a des tricheries aussi, là. Et voilà. On en a un petit peu évoqué, mais on va en reparler. Il y a des petits malins, beaucoup de transporteurs qui neutralisent les systèmes de dépollution des camions pour faire des économies. Ils font des économies sur l'additif qu'on est obligé de rajouter, qui s'appelle de l'AdBlue. Et malheureusement, sur Internet, vous trouvez des pages et des pages de systèmes qui vous permettent de neutraliser ça. Et il y a une ONG allemande qui a fait une étude. En Allemagne, en tout cas, il y a 20% des camions dont les systèmes de dépollution auraient été neutralisés. Ce qui est, en termes d'impact pollution, c'est énorme. C'est énorme. C'est ça. Lucette nous appelle au 3216. Bonjour Lucette. Bonjour Lucette. Bonjour, merci beaucoup de prendre ma question que j'avais l'impression qu'elle était un peu idiote, mais bon. Allez-y. On m'a dit que non. Moi, je voudrais savoir, lorsqu'on achètera une voiture désormais, s'il y aura zéro pollution, si on aura un tableau des pollutions selon, bon, je dis pas notre conduite tout le temps, mais comme ça, une conduite en effet de ville ou de grande route. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé avec Volkswagen, on se pose quand même des questions. Moi, j'ai un diesel. Il n'y a pas que Volkswagen, Lucette. Il y a malheureusement. Enfin, il y a tout le monde, quoi. Voilà. Moi, j'ai un diesel. C'était un V70 que j'ai depuis l'an 2000. Et on m'a juré à l'époque qu'il y avait eu des efforts de fait sur cette voiture, qu'elle polluait beaucoup moins. Ouais. Bon, alors, je sais que. Ouais, vous avez le sentiment d'avoir été trompé par les constructeurs qui vous ont dit, ça y est, on fait du diesel qui pollue plus. Alors, la vraie réponse, je vais essayer de faire super court, c'est que on connaît les technologies pour dépolluer efficacement des diesels. Il y a certaines voitures qui en sont équipées, mais qui ne sont pas calibrées pour dépolluer totalement. En revanche, ces véhicules-là, en particulier les véhicules PSA, vont pouvoir être mis à niveau rapidement et réellement offrir des émissions polluantes basses. Et puis, il y a d'autres constructeurs qui ont fait des choix technologiques différents et qui vont devoir revoir leur copie complètement pour nous proposer des diesels vraiment propres. Sujet qu'on, évidemment, on évoquera encore une fois tout au long de cette année. 9h43, merci beaucoup messieurs, merci à Geoffrey, merci à David. On va poursuivre On va partir à Chantilly, on va respirer un petit peu. Voilà, on va parler d'élégance. On va sortir de la pollution, on va parler d'élégance maintenant. Et puis juste après, ça sera l'actualité de la semaine avec Andy David qui est avec nous au studio de la rédaction d'automoto.com. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre tour. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un smartphone à prix cool, bref, c'est être cool quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, l'iPhone 5S 16Go, argent ou gris sidéral, est à 349 euros. En en direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Bénir, dans l'arène, il n'y a pas de loi. Gagne la course, gagne notre liberté. Bénir, nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Bénir, un choc visuel, le 7 septembre au cinéma, avec RMC. Premier à finir, dernier à mourir. Le mois Carrefour. Vous êtes au courant? Le mois Carrefour ouvre ses portes dès mardi, avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% de remise fidélité sur la carte Carrefour jusqu'au 12 septembre. Sur les gourdes Andros et encore plein d'autres produits de marque. Waouh, jusqu'à 70%! On va s'en prendre plein les yeux. Alors attention au départ, parce que le mois Carrefour, ça va démarrer très fort. Valable sur les gourdes pommes nature Andros par 18. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. RMC, le week-end des experts, 8h-10h. Votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, 9h46, on va parler d'élégance automobile maintenant. Ouais, ça va nous changer un petit peu, du diesel qui pollue. Mais c'est un sujet important. Ouais, hein, complètement. Et on a avec nous l'organisateur de Chantilly à Réélégance, Richard Mille, Patrick Peter avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, vous êtes à Chantilly pour la 3e édition, on peut le dire, du plus beau concours d'élégance européen. Allez, soyons un petit peu chauvins. Mais on n'est pas chauvin, on est réaliste. En toute simplicité. Non, très franchement, on, que nous le pensions, c'est une chose. Mais en fait, il y a effectivement les grands collectionneurs du monde entier qui viennent et qui, je crois, nous permettent de revendiquer ce titre. Alors, en plus, c'est assez large si on s'intéresse à l'automobile, parce que cette année, on part de la voiture à vapeur, alors François en a une dans, ouais, son, dans son garage, hein, et on, ouais, va jusqu'au même, au véhicule, au supercar récent, donc il y en a absolument pour tous les goûts. Oui, oui, on doit avoir 130 ans de production automobile, quelque chose comme ça, et je pense que c'est bien parce que chacun peut trouver la période qui lui plaît le plus, et je crois que pour un amateur, c'est un moment assez merveilleux. Oui, puis en plus dans un cadre qui est réellement exceptionnel, parce que Chantilly, c'est, on va répéter, c'est dans le parc du château, quoi. C'est pas à Chantilly sur une pelouse quelque part. C'est vraiment. Non, c'est dans le parc du château. Les voitures sont posées sur des pelouses, mais ce qu'on a oublié de préciser, c'est que ce sont les pelouses de nôtre. Donc c'est quand même un cadre tout à fait exceptionnel. Et quand vous nous qualifié de premier concours européen, il est évident qu'on travaille beaucoup pour avoir de belles voitures, pour avoir une très belle sélection, etc. Mais il est évident que le cadre est important et je crois qu'on a le plus beau cadre, c'est fabuleux. Oui, c'est vrai que c'est plus beau que Pebble Beach reste la première, on est d'accord, hein, ça reste bien la sûr référence, mais, oui, mais Chantilly, en termes de cadre, c'est mieux. C'est fantastique Pebble parce qu'il y a des collectionneurs américains avec une quantité de voitures absolument, oui, incroyable. Bah, c'est un continent, mais aussi autrement plus grand. Mais pour être tout à fait honnête, le cadre de Chantilly est autrement plus sophistiqué. Mmh. Donc on a ces pelouses de nôtre, on a les canaux, ça nous permet, puis on a des animations pour ceux qui aiment les voitures et ceux qui les aiment un petit peu moins et leurs enfants, que ça ennuie de temps en temps. Et donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui. Alors c'est que la journée d'aujourd'hui. Oui. Il faut, alors François pourra pas y aller parce que là il est en polo et en jean, donc ça c'est pas possible. Il y a un petit dress code, c'est unique un d'ailleurs. Vestimentaire, ouais, il faut chic mais décontracté, chic, c'est ça. Décontracté, d'accord. Oui, mais je crois que c'est important parce que la, oui, bien sûr, ben on est dans l'élégance, la fête, donc la tenue fait partie de la fête, absolument. Ouais. Bon, mais bah, Jean-Luc, vous aussi, vous passez pas là. Hein. Non, mais moi, je vais me changer. Je vais y aller, mais je vais me changer. Ouais. D'accord. Il y a que pour la radio où je suis habillé en n'importe quoi, en mineur. Oui. Combien l'entrée, Patrick ? Sur place, 50 €. Sur place, ah, 50 euros. Bah, c'est chic aussi au niveau tarif. Bah, on pouvait payer moins cher, mais il fallait payer avant. Donc, en fait, non. Mais vous savez, il y a des réservations et en prévente. On est à 35 € incluant le parking, là 50 € incluant le parking. c'est le prix à payer sur place, effectivement. Parfait, on peut faire pique-nique en plus. Hein. Vous savez, il y a une animation toute la journée avec des voitures qui viennent du monde entier, qui viennent de Hong Kong, qui viennent des US, qui viennent de Bangkok, qui viennent de toute l'Europe. Et c'est une occasion absolument exceptionnelle. Oui. Merci Patrick Péter. Merci Patrick. Et alors, bonne manifestation. Alors moi, je suis passé hier, c'était en cours d'installation. Franchement, il y a des voitures, mais extraordinaires. D'accord. Vraiment extraordinaires. Il y a même des concept cars récents. Oui. Et il y a un défilé des concept cars récents avec des mannequins qui sont habillés par des grands couturiers. Le vrai esprit des concours d'élégance autrefois. Parce que c'était ça autrefois, les concours d'élégance. Il y a une Fuego ou pas? Alors pour le moment non. Non, mais ça va parce arriver. Que, si on parle d'élégance forcément, forcément. On parle de la Fuego. Ouais. On s'intéresse à l'actualité de la semaine maintenant avec automoto.com et Andy David qui est avec nous en studio. Bonjour. Exactement. François, bonjour Jean-Luc. Bonjour Andy. Bonjour Andy. Alors on va parler de concept car. Tiens, vous avez vu la transition au Youpla. On parlait de concept car à Chantilly. Il y en aura aussi qui vont sortir au Mondial de l'Auto avec une Citroën, la C-Experience. Alors c'est quoi C-Experience? Comme son nom l'indique, elle est fortement inspirée de la CX de 1975 qui a été dessinée par un certain Robert Aupron. Et ce Robert Aupron, c'est aussi l'auteur de la Fuego. Faut le dire. Bien. Quel personnage de goût. Pour en revenir au concept, c'est l'expérience. Donc c'est un concept de grande berline basse qui fait 4,85 m de long, 2 m de large. Donc vous voyez un peu le côté imposant de cet objet. C'est évidemment un clin d'œil à la CX. Alors on retrouve quelques éléments de design, la troisième vitre latérale, la lunette arrière concave, le volant monobranche, etc. Mais tout ça sérieusement modernisé. Alors vous avez les rampes de feu LED, vous avez un design beaucoup plus haché avec un pavillon flottant, etc. Donc clairement Citroën a décidé de s'amuser réinventer la CX. Et puis il y aura le même confort parce que la CX c'était sa première qualité, c'était un tapis volant. Justement Citroën a l'intention de remettre à jour ses suspensions hydropneumatiques et ce concept en équipe et après on a une chance de le voir sur route ou c'est purement gratos. C'est possible. Ça ira en Chine d'abord peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ça sera une DS alors, ça sera sous la marque DS. Parce qu'en général maintenant le haut de gamme Le haut de gamme, CDS, on verra bien. Mais alors curieusement, ce concept est appelé Citroën. Donc, oui, parce qu'en fait, Citroën est un petit peu en perte de vitesse en ce moment, donc il faut redonner de l'image à Citroën. Ah, oui. C'est pour ça que le concept s'appelle Citroën. Mais il est possible que s'il y ait une commercialisation, ce soit de la DS. Alors, on le verra au Mondial de l'Auto, ça c'est sûr. Oui. Et en revanche, il y en a qui ne seront pas là au Mondial de l'Auto. Ça, c'est un petit peu là où le bât blesse cette année au Mondial. Alors, je vais vous donner des mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'il y a pas mal de constructeurs qui vont manquer, donc on s'amuse à les lister. Il n'y aura pas Lamborghini. Alors, voilà. François, il pourra vous l'acheter la nouvelle. Il n'y aura pas Bugatti, vous l'achetez la nouvelle aussi. Clairement, il y aura Ferrari ou pas? Oui, il y aura Ferrari, mais il n'y aura pas Aston Martin. Vous ne pourrez pas me choisir mon cadeau de Noël. C'est plus ce que c'était. Donc, on a listé les constructeurs qui ne viennent pas. Alors, il y a Bugatti, Lamborghini, Aston Martin, McLaren. C'est un peu dommage quand même pour les gens qui viennent pour voir de la voiture de rêve, entre guillemets. Ce qui est aussi dommage, c'est quand même de voir des grands constructeurs ne pas venir ce coup-ci. C'est-à-dire qu'on a par exemple Ford qui clairement a décidé de bouder en disant nous, on préfère un contact direct avec nos clients. C'est quoi cette excuse bizarre quand même? C'est une excuse. Il n'y a pas que Ford, il y a Mazda aussi. Il y a Mazda, il y a Volvo. Il y a Volvo. Volvo qui a choisi de ne faire plus qu'un salon en Europe chaque année. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que c'est plus forcément là que les ventes se passent. Puisque les gens maintenant, ils arrivent au garage, ils ont déjà tout vu sur Internet, etc. Donc ils découvrent plus vraiment les voitures sur place. Il y a le côté, il y a évidemment des constructeurs qui font un petit peu plus attention à leurs dépenses, notamment Volkswagen qui a décidé cette année de réduire la voilure et la surface. D'exposition. C'est-à-dire que pour Volkswagen, c'est un petit peu différent. Ils vont avoir un peu 50 milliards à payer aussi avec leur petite histoire. Oui, et puis en termes de com', c'est bien de faire des économies. C'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut attendre que là, la tempête passe, non? Enfin, elle est en train de passer, mais... Et surtout, ils n'ont pas de nouveaux produits alternatifs au diesel pour le moment. Donc, je pense qu'ils vont communiquer très fort dans un an ou deux. Oui, et puis il y a d'autres constructeurs. Bon, ils sont un peu en phase terminale, comme on pourrait dire. c'est-à-dire Chevrolet et Lancia qui sont clairement en train d'être euthanasiés par leurs groupes respectifs. Et alors, là-dessus, je rajoute une autre mauvaise nouvelle. C'est que le prix d'entrée, c'était 14 € en 2014. C'est 16 € cette année. Ah ben, 2016, 16 €. Et donc en 2018, 18 €. C'est facile, on connaît les prix. Je peux vous donner le prix en 2024 si c'est ça vous intéresse. Ah ouais, ça sera 24 €. Bon, ouais, tout augmente, ma brave dame. Malgré tout, ce mondial de l'auto sera passionnant et il sera à vivre sur RMC. Oui, bien sûr, entendu. On sera présents à la fin du mois de septembre. Il y aura forcément des événements et des choses à raconter. Ça, c'est clair. Sur le site automoto.com, un truc rigolo, il y a une petite histoire des logos des marques. C'est ça. Alors, quand on en parlait au téléphone pour préparer cette émission, on m'a dit oui. Alors, par exemple, le logo Alfa Romeo, on a un serpent qui mange un gamin. Bon, c'est vrai que. C'est le genre de scène horrible qu'on voit tous les jours sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que. Quel enfer. Si on prend. Il y en a même qui ont ça en porte-clés. Ouais. C'est ça qui est terrible. Le logo Alfa, en fait, c'est le blason de la ville de Milan. Dessus, il y a le Biscione, donc c'est un serpent géant. Et dans le blason des Visconti, donc qui était la famille régnante à Milan, ce Biscione, il mange quelqu'un. Alors on a l'impression qu'il crache une flamme sur le logo. Non, il est en train de manger quelqu'un. Alors si vous regardez attentivement, vous voyez les petits bras, etc., de la personne qui est clairement en train de passer un sale quart d'heure. Il y a d'autres logos. Après, il y a des explications. Vous savez, Audi, c'était la fusion de quatre marques. Les chevrons de Citroën, c'était les engrenages qu'avait réalisé André Citroën au début de sa carrière. Il avait breveté même, André Citroën. Après, il y a des choses un petit peu plus étranges. Sang-Yong, c'est deux dragons. Alors, il faut les voir. Oula. Mais il faut boire beaucoup avant. On les voit, ils n'apparaissent qu'à partir de 4 grammes, 80. Parce que Sang-Yong, en coréen, ça veut dire deux dragons. Ah oui, vous aurez appris quelque chose. On a appris un mot aujourd'hui. Bon, très bien. Merci beaucoup, Andy. Merci. Et toutes ces actus, vous les retrouvez sur automoto.com. Jean-Luc, on sera là la semaine prochaine. Dimanche prochain, bien sûr, entre 8 et 10. Et justement, comme on parle de dragon et d'alcool, on parlera d'alcool la semaine prochaine, on parlera d'éthanol. Ouais, n'en parlez pas trop fort parce que ça va intéresser Serge Simon qui vient d'arriver dans le studio. Salut Serge. Oui, comment va ta femme Elle va très bien. Elle te crache les flammes sur la figure, comme à chaque fois. Salut Jean-Luc. Tout va bien? Oui, très bien. Voilà. Christophe Cession n'est pas loin, j'imagine. Ah, il est là. Oui. Il est en train de se parfumer. Oui, il se maquille toujours. Il faut lui dire que c'est pas fini. Et puis surtout, il change de dessous. Ça, c'est toujours. Il faut lui dire que c'est la radio pour le moment. C'est ça. Au menu de CGG du sport. Écoute, on va parler des vieux et des jeunes. Des vieux. Tiens, Mahut, tennis, 34 ans. Il performe. Peut-on performer encore au sport? Regarde ton âge. Dans le sport. Tu performes bien. Il est après 30 ans. Et puis un jeune, Verstappen, 18 ans F1, qui insulte tout le monde. Il fait peur à tout le monde. Va-t-il trop vite et trop loin dans ses propos? Un peu de basket, collé qui rempile avec l'équipe de France de basket, et puis du foot pour commencer, bien sûr, avec Roland Courbis. Les GG du sport dans un instant. Jean-Michel Larquet. Oula, t'as failli oublier. En parlant de vieux, j'en ai oublié. Allez, bim. La météo, les infos sur RMC. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Portez-vous bien. Bon dimanche. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Retrouvez la F1 avec F1 2016, le jeu vidéo référence de la Formule 1 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Salut, c'est Vincent Moscato. Vous vous souvenez de moi? Mais si! Le beau mec, bronzé, comique, super sportif. I'll be back. Le retour du Super Moscato Show avec Vincent Moscato, c'est demain dès 16h sur RMC. Alors rendez-vous demain sur RMC. Intermarché s'engage. Le raisin noir muscat, origine France, le moins cher de France, est à 2,09€ le kilo. Oui, 2,09€ le kilo de raisin, origine France. Mais c'est aujourd'hui seulement. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété muscat de Hambo, catégorie 1. Si vous trouvez un produit identique moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Pendant ce temps, chez Renault Service. Allô chérie? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Je sais, c'est trop bête. Pipo. Pardon? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super! La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Impayé, dépôt de bilan, liquidation, délai de paiement. Au lieu de vous taper des problèmes avec vos entreprises partenaires, tapez verif.com. Chiffres clés, dirigeants, bilan. Vérifiez la santé financière des entreprises sur verif.com. RMC, 10h, une nouvelle heure commence. Plus que deux jours avant de vivre une expérience renversante avec le mois Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le mois Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Dans quelques instants, les grandes gueules du sport après le journal, mais tout de suite un point sur la météo des plages avec Jean-Baptiste Verger. Jean-Baptiste, il faudrait mieux aller vers le sud hein, si on voulait profiter du soleil. C'est ça, si vous êtes dans le nord, c'est pas la journée idéale pour aller à la plage. Hein. Dans les Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, ciel assez nuageux, pas de pluie mais du vent à plus de 70 km/h. La Normandie ne sera pas épargnée par ces rafales. Du coup, si vous êtes à Deauville, vous pourrez toujours vous consoler avec le festival du film américain qui a ouvert ses portes vendredi à Deauville sur la plage. Température prévue 22, l'eau sera à 18 pour les courageux. L'eau sera à 18 aussi sur la plage de Guilvinec dans le Finistère avec une mer assez agitée et d'épais nuages pour vous accompagner. Plus bas par contre des plages vendéennes à celles du Pays Basque moins de nuages mais vous aurez droit à de belles éclaircies avec toujours du vent notamment sur les plages de Royan en Charente-Maritime. Température de l'eau prévue 21 22 degrés sur le sable et puis en Méditerranée c'est là-bas qu'il va faire beau et chaud. Des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes le ciel restera tout de même assez voilé mais les températures seront toujours assez fortes. On va frôler les 33, les 34 degrés du côté de Narbonne avec quand même du vent à 50 km/h et des températures de l'eau à 22. Du côté de Nice, l'eau sera un peu plus chaude, 26, la même température qu'en Corse. Bon dimanche avec RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Italie. 16h15, rugby top 14, UBB Montpellier, suivi à 21h de Racing 92 Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC, 10h, dans quelques instants, Christophe Cessieux me rejoint pour vous présenter les grandes gueules du sport jusqu'à 13h, mais il est temps d'écouter le journal par Alexandre de Saint-Aignan. On parlait de plage justement, on va parler de Paris-Plage. On va parler de Paris-Plage et Anne Hidalgo est inflexible sur la piétonnisation des voies sur berge à Paris. La maire socialiste va profiter justement de la fin de Paris-Plage pour laisser les bords de Seine fermés. Nous ne reviendrons pas en arrière, affirme-t-elle dans un entretien au journal du dimanche. Une mesure très contestée, notamment par les conducteurs franciliens et Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes. Fermer les voies sur berge, c'est perdre du temps. Et perdre du temps, c'est prendre en considération tout l'aspect social des choses. C'est le décalage de temps pour aller chercher les enfants à l'école. C'est le décalage de temps pour rentrer à la maison, pour pouvoir dîner en famille. C'est du temps perdu. Parce qu'en touchant les voies sur berge, on va créer un report de circulation. C'est-à-dire que ceux qui empruntaient les voies sur berge vont devoir aller ailleurs. Donc on va non seulement paralyser tous ceux qui empruntaient les voies sur berge, mais on va handicaper tous ceux qui empruntaient les autres axes. Pierre Chasseret, interrogé par Mélanie Delaunay pour RMC. Emmanuel Macron dans le journal du dimanche. L'ancien ministre tacle François Hollande. Le gouvernement fait beaucoup de choses à moitié, selon lui. Nicolas Sarkozy est également visé. Sa vision de l'identité française est une forme de rabougrissement de la France, je cite.